Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu, qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la Belle Église, à Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Hallelujah! Why don't you give the Lord a shout? Wow! Wow! Wow! What a church! What a church! Quelle église! Lift up your hands with me. Levez vos mains avec moi. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jehovah Almighty. We thank with him. Vous aurez une rencontre avec lui. I want you to place your hand on your heart. J'aimerais que tu puisses mettre ta main sur ton cœur. The Holy Spirit to work on you. Et demander au Saint-Esprit de travailler en ta vie. Ask the Holy Spirit. Demande au Saint-Esprit to work on you. De travailler dans ta vie. He is here. Il est là. He is here with us. Il est là avec nous. And he will touch you tonight. Et il te touchera ce soir. He will touch you. Il te touchera. He will change you. Il te changera. Forever. Pour toujours. We thank you. Merci, Seigneur. We praise you, El Shaddai, El Shaddai. Adonai, we praise. It's a simple song. Sing Adonai, we praise you. Oh, Adonai, we praise you. We praise you. El Shaddai, our sovereign Lord. El Shaddai, our sovereign Lord, our sovereign Lord, from age to age, from age to age, you remain, you remain the same. Adonai. Father, we thank you for tonight in Jesus' name. Let your will be done here. Lord, those I'm supposed to pray for, let me meet them tonight and pray for them. There's a lady here called Gladys. Il y a une sœur ici. Is there anybody here called Gladys? Est-ce qu'il y a une sœur ici au nom de Gladys? Somebody called Gladys. I'm supposed to pray for a Gladys. Il y a une sœur au nom de Gladys, je suis supposé prier pour elle. Gladys. During the service, I'll find you and pray for you. But put your hands together for the Lord and you may be seated. Acclamez pour le Seigneur. Please be seated in the presence of God. Assez wow. De Dieu. Somebody say wow. Que quelqu'un dise wow. I think that from today, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, you must respect me. Vous devez me respecter. Because parce que I have been considered worthy, je peux être considéré digne to come to la belle église to preach. De venir à la belle église prêcher. I think that from today when you see me, je crois qu'à partir d'aujourd'hui lorsque you vous have me voyez, to salute me. Vous devez me saluer because parce que I have been given the pulpit of Sister Simone. On m'a donné hey! On m'a donné le pupitre de la sœur Simone. You may not know it, vous ne pouvez peut-être pas le savoir. But your pastor, mais votre pasteur, my bishop, mon bishop, is one of the most important people in the world today. C'est l'une des personnes les plus importantes dans le monde aujourd'hui. How many of you know what I'm saying? Je ne sais pas si vous comprenez ce que give je dis. Give the Lord a shout! Tout ce qui de joie au Seigneur. Wow! In Lighthouse Chapel, dans Lighthouse Chapel, the church we talk about the most, l'église dont nous parlons le plus, when you remove First Love, lorsqu'on enlève First Love, and you remove Kodesh, et lorsqu'on enlève Kodesh, Jesus Cathedral here, c'est-à-dire Jesus Cathedral ici, and you remove Kadesh, et on enlève Kadesh, and you remove Kadesh, et on enlève Kadesh, we talk about la belle église. Nous parlons de la belle église. I know because I talk about this church. Je sais parce que j'allais là. You have one of the most anointed human beings. Vous avez on the face of this earth in this church. Vous avez la personne la plus ointe sur la surface de la terre dans cette église. Your pastor, Sister Simone. Votre pasteur, la sœur Simone. She's somebody I'm not shy to say it. She's somebody I love. Elle est quelqu'une que j'aime. I love her from here, over here. Je l'aime over de là. Hey! Look, she's one person I will do anything for her. C'est une personne dont je ferai tout. She asks me. C'est une, C'est une personne dont je ferai tout ce qu'elle me demande. What a pastor! Quel pasteur! Hey! Hey! She's very anointed. Elle est très ointe. She's extremely humble. Elle est extrêmement humble. She's an excellent teacher. Elle est une enseignante excellente. And she's extremely beautiful. Extrêmement belle. Hey! Hey! My God! Mon Dieu! Was she created or was she crafted? A-t-elle été créée ou dessinée? Oh, she's Sister Simone is she's an enigma. Elle est une énigme. It's une a énigme. Word. C'est un mot. Elle est enigma. Elle est un énigme. she's a wonderful pastor. C'est un pasteur merveilleux. Wonderful. She has a sweet spirit. Elle a un bon esprit. And when you are wrong, et lorsque tu as tort, correct you. Elle va te corriger. She loves you enough to correct you. Elle t'aime assez pour pouvoir te corriger. And I always appreciate et j'apprécie toujours la correction. Amen. Amen. How many of you appreciate your pastor? Combien d'entre vous appréciez votre pasteur? Now, so those of you at the back, you don't appreciate your pasteur. Donc vous qui êtes derrière, stand up and give your pastor a shout. Levez-vous and a clap un cri de joie pour votre and pasteur. A jump. Yeah! Criez, poussez un cri de joie. Hallelujah. Hallelujah. We are going to have a wonderful time these 3 days. Nous aurons un temps merveilleux pendant ces 3 jours. How many are expecting a miracle these 3 days? Combien s'attendent à un miracle pendant ces 3 jours? Je suis content d'être parmi vous. Oui. Aujourd'hui. Vous, pasteur, est l'une des meilleures pasteurs de Lighthouse Chapel International. Tout le monde crie! Tout le monde crie! Hallelujah! Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Amen. My French is finished. Mon français est terminé. Mon français est fini. Oui. I bring you greetings. Je vous apporte des salutations. From your father and my father. De la part de votre père, Bishop mon père, Doug Hewitt Mills. L'évêque Doug Hewitt Mills. Amen. Amen. I told him yesterday. Je lui ai dit hier. That I'm coming to la belle église. Je viendrai à la belle église. And he looked at me. Et il m'a regardé. He said, "Wow." Il a dit, "Wow." Hey. Hey. He loves you dearly. Il vous aime très chèrement. You know, Bishop Doug. Oh, clap your hands. Applaudissez. Bishop Doug Hewitt Mills. L'évêque Doug Hewitt Mills. Is a very unique man of God. C'est un homme de Dieu très unique. There are not many of his type in history. Il n'y a pas beaucoup de son genre dans l'histoire. And I believe that God has blessed us. Et je crois que Dieu nous a bénis. To be born. D'être né. In the same generation as he was alive. Dans la même génération ensemble vivant. It's a blessing. C'est une bénédiction. I always, I think la belle église. Et je pense que la belle église. To me, selon moi. The last time I came here, I said it. La dernière fois lorsque je suis venu, je l'ai dit. I don't know whether you remember, but je ne sais pas si vous allez vous rappeler, selon moi. Many of you, majority of you, la majorité d'entre vous are not from Ghana. N'êtes pas du Ghana. Some of you are from Congo. Certains sont du Congo. How many from Congo here? Combien sont du Congo? Wow! Wow! Some of you are from Gabon. Certains sont du Gabon. Ah! Some of you are from Côte d'Ivoire. Certains sont de la Côte d'Ivoire. Wow. Sénégal. Sénégal. Togo. Togo. Burkina Faso. Burkina Faso. Cameroun. Cameroun. Mali. Le Mali. Niger. Le Niger. South Africa. L'Afrique du Sud. Nigeria. Le Nigeria. Some of you have dual citizenship. Certains d'entre vous, vous avez double citoyenneté. You are standing up for everything. Vous vous levez pour tout. Now listen, listen. Écoutez, écoutez. I believe. Je crois. That your coming to Ghana. Le fait que vous soyez venu au Ghana. And your joining Lighthouse Chapel. Et le fait de joindre Lighthouse Chapel. During the lifetime of Bishop Doug Heward Mills. Durant le vivant de l'évêque Doug Heward Mills. I believe that it is a prophecy that is being fulfilled. Je crois que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. That Africa shall be saved. Que l'Afrique sera sauvée. I said Africa shall be saved. L'Afrique sera sauvée. So your mindset. Donc votre façon de penser. When you join this particular church. Lorsque vous rejoignez cette église en particulier. Must be the mindset of somebody who has come to learn. Doit être la pensée de quelqu'un qui est venu apprendre. Ghana, afin qu'après quelques années au Ghana, we will go back home and save our brothers and sisters. Vous allez retourner et sauver vos frères et that vos sœurs. Must be your mindset. Cela doit être votre façon de penser. Hallelujah. Hallelujah. So from today, no quarreling in the church. À partir d'aujourd'hui, plus de disputes dans l'église. No fighting. Plus de, no de disputes dans lazy. L'église. Pas question d'être paresseux. We are here for a period of time. Nous sommes ici pour un temps. To get a spiritual degree. Pour avoir un diplôme spirituel. This is part of your education. Et cela fait partie de votre éducation. You are getting a spiritual degree. Vous acquérez un diplôme spirituel. To go back and turn your nation upside down. Afin de renverser votre nation. Receive that anointing in the name of Jesus. Recevez cette onction au nom de Jésus. A blessing. C'est une bénédiction. So we are lucky. Donc nous sommes chanceux. To be born at the time he was born. D'être né au temps où il est né. And to be alive while he is alive. Et d'être en vie pendant qu'il est en vie. And many of us have the chance to even see him. Beaucoup d'entre nous avons même la chance de le voir. Not only his books, but to see him. Pas seulement ses livres, mais le voir. Some of you he has touched you before. Certains d'entre vous, il vous a déjà touché avant. Treasure those moments. Il faut valoriser ces moments. I treasure mine. Je valorise les miens. Every time I have the opportunity, just to even touch. À chaque fois que j'ai l'opportunité, même de toucher. Because I know what that man carries. Parce que je sais ce que cet homme transporte. Let us continue to pray for him. Continuons de prier pour lui. Let's continue to honor him. Continuons de l'honorer. But even more importantly, let's continue to receive from him. Et le plus important, continuons de recevoir de lui. Because God has anointed that man. Parce que Dieu a oint cet homme. With a very special anointing. Avec une onction spéciale. Amen. Amen. I also bring you greetings from Bishop E.A.T. Saki. Je vous apporte également les salutations de l'évêque E.A.T. Saki. He is another very special man of God. Il est un autre homme de Dieu très spécial. Whose ministry is simply to support Bishop Doug Heward Mills. Dans lequel le ministère est tout simplement de supporter l'évêque Heward Mills. People say Bishop Saki has an anointing to encourage people. Les gens disent que l'évêque Saki a une onction d'encourager les gens. I personally don't believe that anointing is to encourage people. Personnellement, je ne crois pas que cette onction c'est pour encourager les gens. I respectfully submit that that anointing is to encourage Bishop Doug Heward Mills. Et je crois que cette onction c'est pour encourager l'évêque Doug Heward Mills. And thank God for the life of Bishop Saki and Bishop Adi. Et on remercie Dieu pour la vie de l'évêque Saki et l'évêque Adi. Who have stood by our father. Qui se sont tenus all these years. Aux côtés de nos pères toutes ces années. Of course, we also thank God for the life of God's precious vessel, Lady Reverend Adelaide Heward Mills. Et bien sûr, nous remercions également mother. Dieu. Clap your hands. Pour la vie de Lady Reverend Adelaide, notre mère. Hallelujah. Amen. She is somebody that I have fallen in love with for more than 20-25 years. C'est quelqu'un dont je suis tombé amoureux pour plus de 20-25 ans. She is somebody who can call me to come to her office for us to chat. C'est quelqu'un qui peut m'appeler dans son bureau pour juste parler. And every time she calls me, I always leave. I said, "How? Why do you care about me so much?" Et à chaque fois que je quitte son bureau, je me demande pourquoi tu prends trop soin de moi. Qui suis-je? That you even remember my number. que tu te rappelles même de mon numéro. These people are, I don't think they are normal human beings. Ces gens, je ne pense pas que ce sont des personnes normales. I say it respectfully. I don't think they are normal. Je le dis avec respect, mais je pense pas que they are not like qu'elles you sont normales. Me. Elles ne sont pas comme toi et moi. They are in a class of their own. Elles sont dans leur propre classe. And I'm saying all these things, and we must continue to say these things. Je dis ces choses et nous devons continuer à dire ces choses. So that the gradient, afin que gradient, slope, la pente, the gradient. Okay, afin que la pente. Okay. The gradient from them to us will remain steep. Okay, la pente de à nous restera dans notre direction. Steep. Aigu. Okay, la graduation. Whatever he's saying, do you understand it? Hallelujah. It's powerful. I have an announcement. I have to preach, so. Je dois prêcher. But I am going to invite. Mais je vais inviter your beautiful pastor to my church. Votre joli pasteur dans mon église. And I want you to come along with her. Et j'aimerais que vous veniez avec Hallelujah. Elle. Hallelujah. Your pastor is. I mean, when she comes to my church will change. Lorsqu'elle viendra dans mon église va changer. Before I preach, I know I'm talking a lot, but avant que je ne prêche, je sais que je parle beaucoup. I where is the clock? Où est la montre? I have one here. J'ai une montre ici. So yeah, so it's almost time to close. Then we'll just c'est go presque home. Le temps de terminer. I want to, you know, I've always said. J'ai toujours dit. Lady Pastor Akos is a very special person. Lady Pastor Akos, c'est une personne très spéciale. You may not know it, but vous ne pouvez peut-être pas le savoir, mais even though I'm 74 years old, même si j'ai 74 ans, she is my mate from university. Elle est mon collègue de l'université. Yeah. I've known her from university. Je l'ai connue de l'université. She was a member of a group we formed. Elle était membre d'un groupe que nous avons formé, Access. Appelé Access. And they used to sing. Et ils chantaient. And she was in Dynamic Daisies. The choir was called Dynamic Elle Daisies. Était dans une chorale appelée Dynamic Daisies. And she was our lead alto singer. Et elle était notre lead en alto. She's somebody. Look, all the years I have known her. Toutes les années où je l'ai connue. I met her in 1997. Je l'ai rencontrée en 97. Almost 20 years now. I have never seen her angry before. Je l'ai jamais vu se fâcher. Now, I know you people will not agree with me, but je sais que vous n'allez jamais être d'accord avec moi. No, but she has a sweet spirit. Elle a un bon esprit, un esprit doux. She's an encourager. Elle encourage. Even though you are down, she will tell you that. Même lorsque tu as battu, certain look on her face, say, it is well, it elle is well. Elle va dire, ça ira, well ça ira. I believe that it is because of her that we have the type of choir that we have in this church. Je crois que c'est à cause d'elle que nous avons le it's genre true. De chorale que nous avons. Your c'est choir vrai. Is the best choir in Lighthouse. Votre chorale est la meilleure oh, yes. chorale dans Lighthouse. This choir is the look. I'm telling you, I je know where dis, I'm coming from. Je sais d'où je viens. This choir is the best. I haven't seen a choir that dances. Cette chorale est la merveilleuse chorale. Je l'ai jamais vue. Cette chorale qui danse. Lady Pastor Kos, we love you. Et puis Kos, nous t'aimons. Hallelujah. How many love your pastor? Combien aiment votre pasteur? And also the dancing stars. Et aussi les dancing stars. Hey! Hey! What a shock! Quel choc! It's too wonderful. C'est très merveilleux. And Pastor Meme is also Et here. Pasteur Meme aussi est là. Always helping, always supporting. Toujours en train d'aider. God has called him to be a Barnabas. Dieu l'a appelé à son Barabbas, toujours supporté. May God reward your faithfulness. Que Dieu récompense ta fidélité au nom de Jésus. Now let us preach. Maintenant prêchons. Hallelujah. Hallelujah. I came with some of my main people. These are the people who have helped me. Je suis venu avec mes personnes principales, my les personnes qui m'ont ministry. Aidé. Dans mon petit ministère. Leading the group is Lady Pastor Linda Stevens. Il y a Lady Pastor Linda. Amen. She's a She's too wild. Elle est très merveilleuse. She's more than wild. Elle est plus que merveilleuse. If I tell you things, you'll be jealous. So I won't. Si je vous dis ces choses, vous serez jaloux. Then I have Pastor Samuel Sapé. Et on a le pasteur Samuel. He's here with his wife. He pastors our branch in West Hills. Il est là avec sa femme et il est en charge de notre église à West Hills. C'est le pasteur là-bas. Pastor Joseph Owusu Bedu. On a le pasteur Joseph. Pastor Daniel Kwesi Owusu. On a le pasteur Daniel. Lady Pastor Rebecca Edu. Lady Pastor Rebecca. Linda Lawson. You should I mention your name? Est-ce que je dois mentionner? You now you know you don't qualify. Okay, and the rest of the team from Mandela Church. Et hallelujah. L'équipe de mon église. Now, I'm told that this is a celebration convention. On m'a dit que c'est une convention de célébration. That's the reason why we have balloons. C'est la raison pour laquelle nous avons des ballons. Beautiful decorations. Une belle décoration. Lovely church. Une église merveilleuse. I wish my church was like this. Je souhaiterais que mon église soit comme ça. Celebration convention usually means that we have to preach about something to make us celebrate. La convention de célébration signifie que right? Normalement nous devons prêcher okay. Sur quelque chose qui va nous faire célébrer. I will try. Je vais essayer. Because my messages are not that those type of messages. Mes messages ne sont pas ce genre de messages. Before the service starts, I'll tell you I don't share visa. Avant le service, j'aimerais déjà vous dire je ne partage pas de visa. I don't share cars. Je ne partage pas des voitures. I don't share houses. Je ne partage pas les maisons. Okay, I'll share a house. Okay, je vais partager. This convention, you will have a house in the name of Jesus. Cette convention, tu auras une maison dans le nom de Jésus. But I think that we should do what is important first. Mais je pense qu'on doit faire ce qui est important premièrement. We are talking about celebration. Nous parlons de la célébration. And tonight the title of my message is the mission of the Holy Spirit. Et ce soir, le titre de mon message est la mission du Saint-Esprit. The mission of the Holy Spirit. La mission du Saint-Esprit. Wow. This is the first convention I've preached without a tie. C'est la première convention où j'ai prêché sans la cravate. Something missing. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque. The Bible says in Luke chapter 15. La Bible dit en Luc chapitre 15, verse number 10. Verset 10. Chapitre 5. 15. 5 is 5, hein? Okay, 15. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la ou whatever. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of angels, of the angels of God, over one sinner that repenteth. I believe. Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. I believe that je crois que going to have a celebration convention. Nous aurons une convention de célébration. But I want to take the angle of celebration. Mais j'aimerais prendre l'angle de la célébration. From us here. De nous ici. To there. Vers là-bas. The real celebration. La vraie célébration. That we must have. Que nous devons avoir. Must be from above. Doit être d'en haut. Not from beneath. Pas de la terre. So we are talking about the mission of the Holy Spirit. Donc nous parlons de la mission du Saint-Esprit. Are you there with me? Êtes-vous là avec moi? Don't leave me, oh. Ne m'abandonnez pas. James chapter 2 verse 26. I'll just give you a few en verses. Jacques chapitre 2 verset 26. James, how do you say James in French? Jacques. Sorry? Jacques. Jacques. Hey, are you sure? James chapter 2 verse 26. En Jacques chapitre 2 verset 26. What does it say? Qu'est-ce que cela dit? Just as the body. We should put English up. S'il vous plaît, anglais. Vite, anglais. Maintenant, For as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. I'll just pick the first part of it. En Jacques 2, 26, la Bible dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Je ne prends qu'une partie de cela. Comme le corps without the spirit, sans l'esprit is dead, est mort. Let's stop there. Arrêtons-nous là. Everybody, chaque personne without the spirit, sans esprit is dead, est morte. The church is the body of Christ. L'église est le corps de Christ. And at the moment we exclude the spirit, au moment où nous excluons l'esprit from the church, de l'église, we are dead. Nous sommes morts. It's just a use of time, a useless waste of time. C'est juste une perte de temps. We are just having fun. Nous n'avons que des amusements. We are entertaining and exciting ourselves. Nous sommes en train de nous divertir. We have to come up with all the schemes and things to make ourselves look nice. Nous devons venir avec toutes les habiletés pour que tout soit bien. I buried somebody a few weeks ago. J'ai enterré quelqu'un quelques semaines avant. And one of our pastors, his mother died from America, so they asked me to bury. L'un de nos pasteurs, sa mère est morte and en when Amérique. I went to the house in the morning, lorsque je suis allé à la maison le matin, they were preparing the body to go and bury. Ils préparaient le corps pour aller enterrer. And the family members were there. Et les membres de la famille étaient là. And I looked at the body when they opened the casket. Et j'ai regardé le corps lorsque on a ouvert and le cercueil. They had put on a shroud. Et ils ont mis white wedding gown. Un habillement de mort. Beautiful with pearls. Avec des perles, une robe de mariée avec des perles. And they put on foundation. Et ils ont mis des fondations, le fond de teint. Is that foundation? Fondation. Then they put on lipstick. Et ils ont mis le rouge à lèvres. I'm serious. Je suis sérieux. She was lying down like this. Elle était allongée comme ça. And they had put eyeshadow. Et ils ont mis des mascara. Le mascara. What is this one called? Eyebrow pencil. Des crayons de beauté. Les crayons de la brow de eye. Les crayons de beauté. They had put a wig on her hair. Ils ont mis une perruque sur sa tête. And she was lying down. She had rings on her fingers. Elle avait des bagues sur ses doigts. And she was looking polished. Elle était bien pensée. And when they said I should go, I was a pastor, so I went first. Et lorsqu'on m'a demandé de partir en tant que pasteur, and I stood there and I looked at this old woman. Je me suis tenu debout et j'ai vu cette vieille dame. This verse came to mind. Et ce verset m'est venu dans l'esprit. The reason why they have to polish her so much, la raison pour laquelle on devait beaucoup l'embellir, is because the spirit has departed. Parce que l'esprit est parti. The reason why the church needs to be polished so much, la raison pour laquelle l'église doit être trop embellie, is because the spirit is gone. Parce que l'esprit est parti. But in these 3 days, mais durant ces 3 jours, we are welcoming the Holy Spirit back into the church. To come and fulfill his mission here again. Afin d'accomplir if you sa believe mission, it, shout yes. Et si tu crois, dis oui. Just as the body, comme le corps, without the spirit is dead. Sans l'esprit est mort. In John chapter 6, verse 63. En Jean chapitre 6, verset 63. I'm talking about the mission of the Holy Spirit. Je parle de la mission du Saint-Esprit. Jesus said that it is the spirit that quickeneth. Jésus a dit c'est l'esprit qui vivifie. It is the spirit. Don't even bother to read the rest. It is the spirit. C'est l'esprit. That brings back life to the dead. Qui ramène la vie aux morts. To quicken is an old English word for make alive. Ranimer c'est un autre mot it en anglais qui dit. It is the spirit that makes alive. C'est l'esprit qui ranime. Tonight you are coming alive in the name of Jesus. Ce soir tu reviens, tu es ranimé au nom de Jésus. I said tonight you are coming alive in the name of Jesus. Ce soir tu es ranimé au nom de Jésus. The Bible says in Romans chapter 8 and verse 11. La Bible dit en Romains 8, 11. If the same spirit, si le même esprit, that raised up Jesus from the dead, qui a ressuscité Jésus dwells de la mort, in you, demeure en vous, that same spirit, le même esprit, shall also quicken your mortal bodies. Rendra aussi la vie à vos corps mortels. Tonight the Holy Spirit is going to shock you. Ce soir le Saint-Esprit he will quicken you. Il est venu and make you alive again. Et te rendre if you believe encore. It, shout yes. Et si tu crois, dis oui. Tonight, ce soir, is our first night. C'est notre première nuit. So just listen. Donc écoutez simplement. In Isaiah, en Ésaïe, chapter 11, verse 3. En Ésaïe, chapitre 11, verset 3. The Bible says, and he shall make him of quick understanding. You see, the Holy Spirit, he is a fast guy. When he comes, he has a mission to quicken, to make things come, to make things come to life. Le Saint-Esprit est un homme rapide. Lorsqu'il vient, il vient ranimer et rendre la vie aux choses. In Ephesians chapter 3, verse 16. En Ephésiens 3, verset 16. Can the person doing this thing hurry up for me? Est-ce que la personne qui projette les Écritures peut être rapide? Ça, ce n'est pas mon message, c'est juste les versets dont j'ai pensé. 3, verse 16. En Éphésiens 3, 16. Quickly. He said that you might be strengthened with might by the Spirit in your inner man. Afin que vous soyez puissamment fortifié dans votre esprit. Tonight the Holy Spirit will strengthen you in your inner man. Et ce soir le Saint-Esprit te fortifiera dans ton homme intérieur. So with these few verses. Donc avec ces quelques versets. You and I need the Holy Spirit to make our lives meaningful. Toi et moi avons besoin du Saint-Esprit afin de donner un sens à notre vie. Otherwise, your time here is a waste. Autrement, votre temps ici est une perte. The Holy Spirit is the person we must be following. Le Saint-Esprit est la personne que nous devons suivre. And what he is doing is what we must be doing. Et ce qu'il fait, c'est ce que nous devons faire. Now, how do you engage the Holy Spirit? You can't engage him unless you understand what he has come to do. Alors, comment mettre en action le Saint-Esprit? C'est comme si ceux qui sont derrière, vous n'êtes pas, faites pas partie du service. When we were in school, lorsque nous étions à l'école, always the bad boys sit at the back. Les mauvais garçons s'asseyaient derrière. Thank you. So those of you at the back, donc vous qui êtes derrière, are you bad boys and girls? Êtes-vous des mauvais garçons, des mauvais filles? Non. Are you sure? Êtes-vous sûr? Wow. Wow. Somebody say wow. Que quelqu'un dise wow. Isn't it fantastic? Est-ce que ce n'est pas fantastique? Isn't it wonderful? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Isn't it amazing? Est-ce que ce n'est pas étonnant? So what is the mission of the Holy Spirit? Donc quelle est la mission du Saint-Esprit? Why was the Holy Spirit sent? Pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé? Many of us in the dead church. Beaucoup d'entre nous dans l'église. Expect the Holy Spirit to come and heal our bodies. Beaucoup d'entre nous dans l'église morte attendant à ce we que le Saint-Esprit vienne guérir notre corps. Expecting to fall down. Nous venons à la convention en s'attendant à tomber. Honestly, me when you fall down, you annoy me. Honnêtement, pour moi, lorsque vous tombez, vous m'énervez. Parce que vous perdez le temps. Dans mon église, je dis, lorsque je vous impose les mains, ne tombez pas. Quand vous arrivez, vous enroulez. Lève-toi et allons. Et ce soir, lorsque je prie pour vous, ne tombez pas. On a des choses à faire demain. Certaines choses que je dis sont juste bizarres. But we expect the Holy Spirit to come and when we think of receiving the Holy Spirit, we think of then we fall down and we move all over like a snake and all those. Lorsqu'on pense à recevoir le Saint-Esprit, on pense à trembler et tomber. That is not why the Holy Spirit was given. C'est pas la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné. So if you do not understand why he was sent. Si vous ne comprenez pas pourquoi il a été and envoyé. What he has been brought to do. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? He will leave you. Il va t'abandonner. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? If Sister Simone invited me to come here to preach. Et si la sœur Simone m'a invité ici and, prêcher. And if I came here. Et si je suis venu ici? And we are singing, we are dancing, we are doing everything but no preaching. On chante, on danse, on fait tout sans prêcher. At a point I'll look at my watch. À un moment donné, je vais regarder à ma montre. You know something? I have to be somewhere tomorrow morning. Et je lui dirai, tu sais, j'ai quelque chose à faire demain. And many of us have lost the Holy Spirit. Et beaucoup d'entre nous avons perdu le Saint-Esprit. We are in the church, but we've lost the Holy Spirit. Nous sommes dans l'église, mais nous avons perdu le Saint-Esprit. And now we are polishing our face and putting on makeup and maintenant nous embellissons notre visage. And wearing high heels and doing all those things. On fait le maquillage et on porte des talons. Because the body is dead. Parce que le corps est mort. The body is dead. Parce que le corps est mort. And the spirit is gone. Et l'esprit est parti. So why is he here? Why was he brought? Pourquoi il est là? Pourquoi il a été emmené? What is the mission of the Holy Spirit? Quelle est la mission du Saint-Esprit? You see, many of us also think that when the Holy Spirit comes, that when we have a convention, our bodies will be healed. Certains d'entre nous en pensent que lorsque le Saint-Esprit viendra durant la convention, notre corps sera guéri. In healing. Je crois en la guérison. I can show you testimonies on my phone. Hundreds in my church. Now I don't even read them out. Je peux vous montrer des témoignages dans mon téléphone des personnes qui ont été guéries. When the Holy Spirit comes to you, he will heal your body. It's normal. Lorsque le Saint-Esprit vient à vous, il guérira votre corps. C'est normal. But I just want to point out to you that healing was not part of the New Testament covenant. It wasn't the healing didn't begin in the New Testament. J'aimerais simplement vous indiquer que la guérison n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, c'était pas l'alliance dans le Nouveau Testament. Minister Joshua Taylor? Est-ce que c'est le ministre? Please come forward. Please come. Wow. Wow. Wow. Oh, clap for him. Applaudissez pour lui. Wow. Wow. That was the best friend of Daninete. C'était le meilleur ami de Daniel Atti. Daninete's best friend. He's mourning. God bless you, sir. Thank you for coming in these difficult times. Merci d'être venu dans ces temps difficiles. God bless you. Dieu vous bénisse. My eyes are still working. Mes yeux fonctionnent toujours. Wow. Today you have come to see a real church, but you see. Et aujourd'hui vous êtes venu voir une vraie église. Now listen. Maintenant écoutez. So healing didn't begin in the New Testament. La guérison n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. You see, the Holy Spirit came after Jesus was raised from the dead. Le Saint-Esprit est venu après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts. Before Jesus was raised from the dead, he wasn't here. Avant que Jésus ne soit ressuscité, il n'était pas là. He would only come to visit on somebody and go back. Il venait juste visiter quelqu'un et repartir. But we were so unclean, he could not stay in us. Nous étions très impurs qu'il ne pouvait pas rester en nous. So the sacrifice of the blood of Jesus Christ. Le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Washed away our sins. A lavé nos péchés. And allowed the Holy Spirit to be able to be in a container like this. Et a permis au Saint-Esprit d'être dans un conteneur comme ceci. I have the Holy Spirit. J'ai le Saint-Esprit en moi. He talks to me. He's Il me parle. Real, I tell you guys. Il est réel, je vous dis. He is more real than your pastor. Il est plus réel que votre pasteur. You, je vous dis, je lui parle. He encourages me. Il m'encourage. He rebukes me. Il me réprimande. He insults me. Il m'insulte. To get me back on track. Pour me ramener sur le droit chemin. So healing, donc la guérison. In the Old Testament, every sort of healing miracle took place. Dans l'Ancien Testament, tout genre de miracle a eu lieu. Blind eyes were opened. Les aveugles ont vu. Dead people were raised back. Les morts ont été ressuscités. All sorts of sicknesses happened. So tout genre de. The Holy Spirit coming he didn't come for healing. Donc la venue du Saint-Esprit n'est pas pour la guérison. Healing is an act of God. It was done from time immemorial. La guérison c'est un acte de Dieu. Ça a toujours été fait. So why did he come? Pourquoi il est venu? Let's see, let's read the Bible. Regardons dans la Bible. Let's go to the book of Acts. Allons dans le livre d'Actes. And you and I will do some calculation this et vous et moi allons faire quelques calculs to see ce soir what his work was. Pour voir quel était son travail. In Acts chapter 2, the day of Pentecost, en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où il est venu. And in Acts chapter 2, verse 41, en Actes chapitre 2 verset 41. The first day he came, 3000 people were saved. La première fois qu'il est venu, 3000 personnes ont été sauvées. The first day he arrived. Le premier jour qu'il est arrivé, 3000 people were saved. 3000 personnes étaient sauvées. Then in Acts chapter 3. Et en Actes chapitre 3. The whole chapter records the healing miracle of one cripple. Et tout le chapitre enregistre la guérison d'un handicapé. Then in Acts chapter 4. Et en Actes chapitre 4. So 3000 in Acts chapter 2. Donc 3000 en Actes chapitre 2. Acts chapter 3, one cripple. En Actes chapitre 3, un paralytique Acts était guéri. Acts chapter 4 verse 4. En Actes 4, 5000 were saved. 5000 étaient sauvés. Have you seen that? 5000. 5000. Acts chapter 5. En Actes chapitre 5, verse 14. Verset 14. It says multitudes were added. La multitude était ajoutée. Acts chapter 6. En Actes chapitre 10, verset 7. And the disciples multiplied greatly. Et les disciples ont cru. Se sont accrus. Have you seen that? Acts chapter 7 talks about the death of Stephen. Acts chapter 8, the disciples were scattered. So the book of Acts is actually the Acts of the Holy Spirit, not the Acts of the apostles. En Actes chapitre 12, c'est la mort d'Étienne. En Actes chapitre 8, c'était Acts la multitude des disciples. Acts talks about what the Holy Spirit came to do. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire? And what did he come to do? He came to save the lost. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus. His mission is to save the lost. Sa mission est de sauver les perdus. And anybody who will not be doing that will lose the Holy Spirit. Et toute personne qui ne fera pas cela perdra le Saint-Esprit. I mean, Bishop Dark is to me, I can liken him with all due respect to like the Holy Spirit. Selon moi, Bishop Dark, je peux le comparer au Saint-Esprit Bishop avec tout respect. Is a very focused person. If you work with him, you will learn one thing about him. He is very focused. Bishop Dark est très focalisé. A lot of things don't distract him. Beaucoup de choses ne le distraient pas. Many people are even afraid when they are around him. Beaucoup de gens ont même peur lorsqu'ils sont autour de lui. In a good way. Dans un bon sens. Because you don't know what you will say, that is not the focus. Tu ne sauras pas qu'il dira. Do you understand? Yeah, some people have. I mean, it's like we are talking about. Like yesterday, I was standing with him. And he said, "I'm going to have a construction meeting for 20 minutes." C'est comme hier, j'étais assis avec lui. Il a dit, "J'aurai un projet de construction pendant 20 minutes." And then somebody walks up to him to talk about something else, and he's like, "Look, this is not the time for that." Et quelqu'un est venu vers lui pour parler de quelque chose d'autre. Il a dit, "Écoute, c'est pas le temps pour ça." So he will. You always find he will separate himself when you are not focused or doing what must be done. Et il va se séparer de toi lorsque tu n'es pas focalisé ou tu ne fais pas ce qui doit être fait. I believe that because he is so full of the Holy Spirit, he reflects the character of the Holy Spirit. Je crois que parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il reflète le caractère du Saint-Esprit. The Holy Spirit is not a joker. Le Saint-Esprit n'est pas un blagueur. He has never joked before. Il n'a jamais blagué avant. Jesus is not a joker. Jésus n'est pas un blagueur. Reverend Istudanaba preached a convention one day here. Le révérend Istudanaba prêchait une convention ici. Many of you are too happy to be Christians. Beaucoup d'entre vous êtes trop heureux d'être chrétiens. We are too happy. Nous sommes trop heureux. We're always laughing. Toujours en train de rire. There was no verse in the Bible which says and Jesus laughed. Il n'y a pas un verset dans la The Jésus Bible riait. Said that he was a man of sorrow, acquainted with grief. C'était un homme de souffrance, habitué à la so souffrance. So the over happiness and joyfulness and maybe we are not in the Holy Spirit. Donc le fait d'être trop joyeux, être trop content, peut-être que nous ne sommes pas sur la voie. Bishop always says it. He said that he doesn't joke. Bishop dit toujours qu'il ne blague pas. He said that the day he starts joking, he will let us know. But le jour il va commencer à blaguer, il nous dira. Even the stories you think they are jokes, they are not jokes. Même les histoires que vous pensez que sont les blagues, ce ne sont pas des blagues. He means what he says and he says what he means. Il dit vraiment ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. And if you can't handle the temperature around him, et si move tu ne away. Peux pas contenir la température autour de lui, c'est mieux de s'en aller. So when we look at the work of the Holy Spirit, the mission that he has been sent on. Donc, lorsque nous regardons au travail du Saint-Esprit, la mission pour laquelle il est envoyé, 3,000 to 1 healing, to 5,000, to disciples multiplying, to many being added, multitudes being added, you can see that what he was really focused on doing was saving the lost. À part les 3,000 sauvés, les personnes guéries, vous allez remarquer que sa mission était de sauver ceux qui sont perdus. Je suis venu avec une bonne nouvelle pour vous ce soir. Will come upon you to save the lost from le Saint-Esprit today. Venait sur vous pour sauver ceux qui étaient perdus ce soir. I don't mind. Can I walk in the church? Est-ce que je peux marcher dans l'église? Je m'en fous si vous quittez cette convention. And happy with me. Je suis heureux avec moi, mais content de moi. That when I came, I didn't release cars and houses. Parce que quand je suis venu, beloved. J'ai pas relâché les voitures, les maisons, les bien-aimés. Je m'en fous. I have a responsibility to tell you the truth. J'ai une responsabilité de vous dire la vérité. As I stand here, I don't know how many years I have left on earth. Alors que je me tiens ici, je ne sais pas combien d'années il me reste sur la terre. It is not time for me to be tickling you to laugh. Et ce n'est pas le temps pour moi de vous faire rire. So please, it's a celebration convention, but me, my celebration, I want it to be there and not here. C'est une convention de célébration, c'est vrai, mais je veux que ma The Bible célébration says soit there là-bas. Is great rejoicing in heaven over the salvation of one soul. La Bible dit qu'il y a une grande joie dans le ciel lorsque une âme se répand. Of evangelism. Et nous sommes dans le mois de l'évangélisation. So let us preach about these things. Donc prêchons sur ces let's choses. Talk about why the Holy Spirit was given. Parlons de pourquoi and le Saint-Esprit let's talk a été about donné. What is expected of you. Et parlons de ce qu'on attend de vous. Partnership with the Holy Spirit, si vous voulez être en partenariat avec le Saint-Esprit, je vous donne 3 points. And then we'll go home. Et nous allons aller à la maison. Number one. Numéro 1. Number 1. How does the Holy Spirit empower us for soul winning? Comment le Saint-Esprit nous rend capable d'évangéliser? I hope I'm preaching to people who want God to be happy. J'espère que je prêche à des personnes qui veulent que Dieu soit heureux. I hope I'm preaching to people who want to see heaven rejoicing. Je pense que je prêche à des personnes qui veulent voir le ciel se réjouir. How does the Holy Spirit empower people? Comment le Saint-Esprit nous rend capable to be able to preach and to win souls. De prêcher et de gagner les âmes. Number one, numéro 1. He directs us. Il nous dirige. To ready souls that are ready to be saved. Auprès des âmes qui sont déjà prêtes d'être sauvées. When you engage the Holy Spirit in your life, lorsque vous permettez au Saint-Esprit d'être en action dans votre vie, He will be directing you. Il vous dirigera to the people that are ready to be saved. Vers les personnes qui sont prêtes d'être sauvées. Many times we go for evangelism. La plupart du temps, nous allons en évangélisation. And nobody gets saved. Et personne n'est sauvé. Guess why? Vous savez pourquoi? The Holy Spirit did not direct you to go. Parce que le Saint-Esprit vous n'a pas dirigé d'aller. You went, but you were not directed. Tu es parti, mais tu n'as pas Because été dirigé. In the book of Acts again, parce que dans le livre de Actes encore, in Acts chapter, is it chapter 8? En Actes chapitre 8, chapter 8, verse 29 to 37, du verset 29 à 37, the Spirit told Philip, the Holy Spirit told Philip, le Saint-Esprit a dit à Philippe, you see the chariot that is moving over there? Vois ce chariot qui Go se déplace. To the chariot. Va vers le chariot. The guy in there is ready to be saved. Le gars qui est là-bas est prêt d'être sauvé. The Holy Spirit directed him. Le Saint-Esprit l'a dirigé. To go to the chariot. D'aller vers le chariot. He didn't direct him to go to a supermarket. Il ne lui a pas dirigé d'aller vers un supermarché. The Holy Spirit knows the fruit that is ready to be plucked. Le Saint-Esprit connaît le fruit qui But est prêt d'être cueilli. In the church, we go and stand under a tree and we shake the tree. Et mais dans l'église, nous allons sous un arbre et nous secouons l'arbre et les may fruits ne tombent pas. Spirit direct you from today. Que le Saint-Esprit te dirige As à partir you go d'aujourd'hui. To preach, may he direct you. Alors que tu vas prêcher, qui talk te to dirige? This lady, talk to this man, parle à ce this taxi driver, this your classmate, the class prefect, the lecturer. May parle à be cette directed. Personne, que tu sois dirigé. That's his work. If you are going to work with him, he will direct you. Si tu vas travailler avec lui, il va te diriger. I have had the privilege of working with Bishop Dagwood Mills. J'ai eu le privilège de travailler avec l'évêque Dagwood Mills. If you are going to work with him, you will be directed. Si tu vas travailler avec lui, tu seras dirigé. He will tell you what he wants, how he wants, when he wants. Il te dira ce qu'il veut, comment il veut et quand il veut. He will not leave you. Il ne te laissera pas sans réconfort. He will not leave you in doubt. Il ne va pas te laisser dans le doute. Bishop will never leave you in doubt. Bishop ne te laissera pas dans le doute. I want this. I want that. When you do it, you bring it back. Say, no, I want it like this. Try this. Do that. You'll be directed, and I find it easier to work with him because you can't go wrong. Donc, lorsque tu travailles avec lui, il va te diriger. Et je I trouve ça facile de travailler avec lui. To work with the Holy Spirit because you can't go wrong. Et c'est facile de travailler you avec le Saint-Esprit parce que you cannot go for outreach and it won't work. Tu ne peux pas aller de maison en maison et ça ne marchera pas. And Reverend, you gave us only one example. Et révérend, tu nous as donné un nouvel exemple. Acts chapter 10, verse 19 and 20. Acte chapitre 10, verset 19 the à 20. Holy Spirit told Peter, le Saint-Esprit a dit à Pierre, Go to the house of Cornelius. Va dans la maison de Cornelius, de Corneille. Go there. Va là-bas. Don't doubt anything. They are ready to be saved. Ne doute pas, mais ils sont prêts d'être sauvés. There are some people, it's not their time. Il y a des gens, c'est pas leur temps. No, and it's even not even that is not their time. It is also not you. Ce n'est pas que ce n'est pas leur temps, mais ce n'est pas aussi toi. C'est pas toi. It is not you. It is another person. C'est une autre personne. It's another situation. C'est une autre situation. I tried in vain to lead my father to Christ. J'ai beaucoup lutté en vain pour conduire mon père à Christ. Young, exuberant preacher. Lorsque j'étais un chrétien vibrant. I said, Daddy, I want to tell you something. Papa, je veux te dire quelque chose. So you must be born again. Tu dois être né de nouveau. And my father would he used to sit in a chair and he would remove his glasses. Et mon père s'asseyait sur une chaise et enlevait ses lunettes. And put the what do you call this thing? This thing. That thing, you le bord des lunettes, mouth. Mettre dans sa bouche, then he would just smile. Et il va juste sourire. Et il aimait frapper sa poitrine avec ses doigts comme ça. He said, young man, il m'a dit, jeune homme, I am 41 years older j'ai than you. 41 ans, 41 de plus que toi. Il n'y a rien que tu connais que je ne connais pas. Oh, I mean, I've come with my sermon. Je suis venu avec mon serment. For God so loved the world. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus. Que quiconque croit en lui, he will just be smiling. Il va juste sourire. Then you ask, have you eaten? Et il va me demander, est-ce que tu as mangé? I mean, he used to quench my preaching. Donc, il essayait d'éteindre ma prédication. I tried many times. J'ai essayé plusieurs fois. Then at a point, you ask, do you have money? À un moment donné, il me demande, est-ce que tu as l'argent? I don't have money. J'ai pas d'argent. Then you say, bring my wallet. Apporte mon porte-monnaie. Then you give me money. Et il me donne l'argent. End of preaching. Et c'est la fin de la prédication. Hey! Hey! I tried in vain. J'ai essayé en vain. I was still praying. Je priais toujours. My mother is a pastor in Kodesh. Ma mère est pasteur à Kodesh. My eldest sister is a pastor in America. Ma grande sœur est pasteur en Amérique. Was consecrated with our bishop here. Ma deuxième sœur a été consacrée avec la sœur Simone. The rest of us were okay. Tout le reste était ok. But my father, mais mon père, he wasn't a bad person. Il n'était pas une mauvaise personne. He just won't go to church. Il ne va simplement pas à l'église. Then one day, jusqu'à ce qu'un jour, look, one day, a friend of his, un jour un de ses amis, who also used to work in United Nations, qui travaillait aussi aux Nations Unies, came to visit us at home, est venu nous visiter à la maison. And we were sitting in the hall. Et nous étions assis au then salon. The man just asked, et l'homme a juste demandé, Doctor, are you born again? Docteur, êtes-vous né de nouveau? Il a dit non. Je veux te conduire au Seigneur. Dis cette prière après moi. I realized it wasn't me. J'ai réalisé que c'était pas moi. My preaching weren't good at that time. Ma prédication n'était pas bonne en ce temps. Yeah, so the Holy Spirit, his work is to direct you. Le Saint-Esprit te dirigera. Yesterday. Hier. I had to go to this company with the roofing sheets. They are doing something in my church. Je devais aller dans cette compagnie. Not yesterday, 2 days ago. Raincoat. This company. Okay, cette compagnie qui est là. And when I went there, Raincoat, there was a particular gentleman. Et lorsque je suis allé avec un jeune homme, I just felt that this guy must be born again. J'ai juste ressenti que ce jeune homme doit être né de nouveau. So as we were talking, then I said, "No, sit in my car, let's go." Alors qu'on parlait, je lui ai dit, tu sais quoi, assieds-toi dans ma voiture et allons. We were 2 men in the car. Nous étions 2 hommes dans la voiture. We started driving. Et on a commencé à conduire. When we got to Odoko, lorsque nous sommes arrivés à Odoko, he said, "Pastor, I want to ask you a question." Il m'a dit, pasteur, je veux te poser une question. He said that how can you know if a church is real? Comment pouvez-vous savoir si une église est réelle? He said, I don't go to church. Je ne vais pas à l'église. And I want to find a pastor to talk to. Je veux trouver un pasteur auprès de qui parler. By the time we got to my church, lorsque nous sommes arrivés dans mon église, from Odoko Junction to my church, de Odoko Junction jusqu'à mon église, it's 19 minutes. C'est 19 minutes. He was born again. Il était né de nouveau. You don't have to talk much. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. So you are completely in error. Donc tu es complètement dans l'erreur. If you say we are going for Anakazo. Si tu dis on va pour Anakazo. Who is directing you? Qui te dirige? Where are you going to? And you become frustrated. Et tu seras frustré. Some of you go and you enter into arguments. Certains d'entre vous, vous allez vous rentrer dans and des you débats. Talk and vous parlez, talk, vous parlez, vous parlez, talk, vous parlez. Et personne ne s'occupe de vous. Because the Holy Spirit has not directed you. Parce que le Saint-Esprit ne vous a pas but dirigé. This convention, mais cette convention, you are living here with an app being downloaded into your spirit. Tu vas ici avec une application téléchargée dans ton esprit. Map, it will show you where the souls are. Une application. May the Holy Spirit direct you from today to the souls that are ready. Is there anybody who can shout amen? Est-ce que quelqu'un peut crier amen? Number two. Numéro 2. I want to preach. Je veux prêcher. Can I preach? You know, it's not easy for me to preach when Sister Simone is here. C'est pas facile pour moi de prêcher quand la sœur Simone est là. I'm struggling, Papa. Je lutte vraiment. No, when she goes, you see that I start preaching. Si elle va, vous verrez que je vais commencer à prêcher. I'm checking my English, I'm checking my scriptures, they must be right. Pendant qu'elle est là, je cherche mon anglais, mes versets. We love her and we fear her. Nous aimons la sœur Simone et nous avons peur d'elle. Yeah. The second thing the Holy Spirit will do, la deuxième chose que le Saint-Esprit fera et qu'il fait pour nous, is this. C'est ceci. He will give you supernatural utterance. Il va te donner la puissance surnaturelle. Go to Acts chapter 2 and verse 4. Acts chapitre 2. Chapitre 2, verset 4. Verset 4. Oui. It says, la Bible and dit, they were all filled with the Holy Spirit. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. And began to speak in other tongues. Et ils commençaient à parler en d'autres langues. As the Spirit gave them utterance. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. That thing that happened on the day of Pentecost. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Was a rehearsal of what should happen in your life. Une répétition de ce qui doit se passer dans votre the vie. The Holy Spirit doesn't just come to let you say shabalaba, shabalaba, shabalaba baba. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement vous faire dire shabalaba, shabalaba baba. Non. Shabalabalabalabalabala, speak in tongues. Shabalabalabala. We speak in tongues. We speak in tongues. Parlons en langues. Look, look, look. the work that has to be done. Le travail qui doit être fait is so important. Est très important. That we cannot limit our vocabulary. Que nous ne pouvons pas limiter notre vocabulaire. Shabalabalabalabala. Shabalabalabalabala. If the Holy Spirit is in your life and the only thing he does for you is to do shabalababa, labalababa, et dans votre vie et la seule chose qui vous emmène à faire c'est shabalababa, bababa. Then I want to tell you that he hasn't finished his work in you. Et j'aimerais vous dire qu'il n'a pas fini son travail en vous. Because in the same chapter. Parce que dans le même chapitre. A few verses after this. Quelques versets juste après cela. Peter got up. Pierre s'est levé. And began to preach. Il a commencé à prêcher. From verse number 9. Du verset 9. To verse number 40. Au verset 40. He was preaching. Il prêchait. The Holy Spirit gave him words to say. Le Saint-Esprit lui a donné des mots à dire. The Bible said they were smote in their hearts. La Bible dit and they gave choqués, their lives to Christ. Ils ont donné leur vie à Christ. He will give you supernatural utterance. Il te donnera la habileté I said he will give parler. You supernatural utterance. Il te donnera la may the Lord touch de your tongue from today. Que le Seigneur touche to ta langue aujourd'hui. Preach the truth of the word afin de prêcher to la a vérité dying de la generation. Dans toute une shout génération. Yes! Crie oui. It's not shabalabalaba. Ce n'est pas shabalabalaba. If you are here and you are not a preacher. Si tu es ici if et you tu are pas here and you don't go for evangelism. Tu ne vas pas pour l'évangélisation. I want to tell you the Holy Spirit is minimum in your life. Je vais te dire que le because Saint-Esprit the initial sign, not the only sign. Parce que le the initial sign is the speaking of tongues. Le signe initial c'est le parler en langue. It's called glossolalia. It is like testing mic 1 2 1 2. C'est comme testing mic. Mic. When you speak in tongues you are testing your mic 1 2 1 2. Quand tu but parles the en langue, tu testes ton micro. It's useless until the people understand what is being said. Mais c'est insignifiant jusqu'à ce que les gens comprennent ce que tu prêches. He will put words in your mouth. Il mettra des mots dans votre bouche. You will never be directed by the Holy Spirit to somebody and not know what to say. Tu ne seras jamais dirigé par le Saint-Esprit vers quelqu'un et ne sachant pas say, ce qu'il faut dire. Then it is a sign he is not with you. Si tu ne sais pas ce qu'il veut dire, c'est because que c'est un signe qu'il n'est pas avec toi. Really with you, s'il est réellement he avec will toi, give you word il te donnera after des mots he après mots. He said, as the Spirit gave them utterance. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. So even the speaking of tongues, même le parler en langue, it is not you who chooses what comes c'est out. Pas toi qui choisis ce qui sort. It is the Holy Spirit that gives you utterance. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'expression. There's a verse I wrote this afternoon. Il y a un verset que j'ai écrit cet après-midi. In Ephesians chapter 6 and verse 20. En Éphésiens 6 verset 20. Paul was describing the armor of God. Paul décrivait l'armure de from Dieu. From verse 11. Du verset 11. But in verse 20. Au verset 12. He says and pray for us. Et priez pour nous. That utterance may be given unto us. Afin qu'il me soit donné. That we may declare the word of God boldly. Afin qu'il me soit donné lorsque je prêche it l'évangile. It is a prayer. D'annoncer to be able to speak. L'évangile. And convict a man's heart. C'est une prière de prêcher et convaincre le cœur de quelqu'un par le Saint-Esprit. In Matthew chapter 10 and verse 20. En Matthieu 10 verset 20. Jesus said. Jésus a dit. When in that day you will, he said, you do not have to worry what you will say. En ce jour, vous n'allez pas vous inquiéter for de ce que vous allez dire. For the Spirit himself will tell you. Car l'Esprit lui-même vous dira. He will tell you what to say. Il vous dira ce qu'il faut dire. When you stand before the Sanhedrin. Lorsque vous allez vous tenir devant le Sanhédrin. It was fulfilled in Acts chapter 4. Cela a été accompli en when Acts chapitre 4. When Peter and the others were beaten. Quand Pierre et les autres ont été frappés, they said, must we fear you or must we fear God? Ils se sont tenus debout et dit, devons-nous vous craindre ou craindre Dieu? Et ils ont commencé à and prêcher. By the time they finished preaching, the people looked at them, they saw they were unlearned men. But they took counsel that they had been with the Lord. Lorsqu'ils ont fini in Acts chapter 26 and verse 28, en Actes chapitre 26, verset 28, Paul was about to be killed. Paul devait être tué. And then he preached so much. Et il a trop prêché. King Agrippa said, "Hey Paul, you almost convinced me to le roi Agrippa a dit, "Oh Paul, tu m'as presque convaincu à devenir chrétien." Anybody who has the Holy Spirit in his life, eh? Toute personne qui a le Saint-Esprit dans sa vie. His words are convincing. Ses mots sont convaincants. Listen to Bishop Doug preaching. Écoutez l'évêque Doug prêcher. Even if you wake him up out of sleep. Même si tu lui réveilles. You see, I was reading a book, my favorite book that I read is the Minister's Handbook of Ceremonies. Mon livre favori, c'est le livre de la cérémonie des ministres. There is a chapter in that book. Il y a un chapitre dans ce livre. The consecration of a bishop. La consécration du bishop. I heard Bishop make reference of it when Bishop Richard was being consecrated. Bishop Richard, Bishop Intefel, Bishop Steve, Bishop Sam, Bishop Apostle Dodu, Prophet Kakra Baden. And Apostle Kingsley JC. J'ai entendu l'évêque faire référence de cela lorsqu'il consacrait les bishops. When Bishop was consecrating them, quand Bishop les consacrait, he said, who then can be consecrated? Il a dit, qui peut être consacré? A man to be consecrated must be one who constantly lives under the anointing of the Holy Spirit. Un homme qui vit constamment sous l'onction du Saint-Esprit. Who does not make any differentiation between an intellectual and an idiot. Qui ne fait pas la différence entre un intellectuel et un idiot. Un riche et un pauvre. And he gave several categories there. Et il a donné plusieurs catégories là. When I read that thing, I realized that look, the bishops we have in Lighthouse. Lorsque j'ai lu ça, j'ai réalisé que les bishops que nous avons à Lighthouse. Me, I'm saying it. They are no human beings. Moi, je le dis, ce ne sont pas des êtres humains. They live under the anointing. Ils vivent sous l'onction. You see them. They come for an outdooring ceremony. Ils viennent pour une commémoration d'un bébé. What they say changes you. Et ce qu'ils disent vous change. They are even walking with you. They put their hands around you. Ils marchent même avec toi, mettant leurs mains autour de toi. It's like God is speaking to you. C'est comme si Dieu te parle. Anybody who has had hands laid on him and been consecrated in this church. Chaque personne qui a eu la main posée sur sa tête dans cette église. Closely. Observez-les. They are very different. Ils sont très différents. That hand that was laid on them makes cette the main difference. Qui a été imposée sur the eux spirit they fait carry la makes the difference. L'esprit qui that's why your fait pastor is the sort of person she is. Voilà pourquoi votre pasteur n'est pas normal. And I'm not saying it because she's here. Je ne le dis pas parce qu'elle est là. Ceux qui sont avec moi le savent, they je le dis tout le temps. People. C'est des personnes différentes. Constantly under the anointing. Constamment sous l'onction. Even when they send you a text message, même lorsqu'ils t'envoient un texte, it's anointed. C'est oint. Even a message. Même un message. He has given them utterance. Il leur a donné l'expression. That's why they can counsel you. Voilà pourquoi ils peuvent te conseiller. About something they've never done. De quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. That's why they can talk about something they don't even know about. Voilà pourquoi ils peuvent parler that's de quelque chose qu'ils ne savent pas. That's why they can see you and ask you a question and you become hurt. How has somebody told you about me? Voilà pourquoi ils peuvent te regarder, te poser une question et tu es offensé et te demandant est-ce que them. Quelqu'un vous a dit? It's ce n'est pas them. Eux. It's the Holy Spirit that gives them utterance. C'est le Saint-Esprit qui leur donne de s'exprimer. Tonight you are receiving utterance ce in the name soir, of Jesus. Ce soir tu reçois la capacité de t'exprimer. I think you didn't hear me. Je crois I said, que vous m'avez tonight pas entendu. You are receiving utterance in ce the name soir of Jesus. Tu reçois la capacité de t'exprimer. He will put words in your mouth. Il mettra des mots dans ta bouche. When you stand up to sing a song, lorsque tu te tiendras debout pour it chanter will be the un right chant, song to sing. Ça sera le vrai chant qu'il faut you chanter. See, you see, Jesus was constantly under the anointing. Jésus était constamment sous l'onction. He had the Holy Spirit without measure. Il avait l'esprit sans mesure. That is the reason why everything he did worked. Voilà pourquoi tout ce qu'il faisait a marché. Everything Jesus did was 100% correct. Tout ce que Jésus a fait était 100% correct. He was never wrong. Il n'avait jamais tort. Because of the Holy Spirit he had. Parce que à cause du Saint-Esprit. For 30 years out of his 33 years, he was in a carpenter's shed. Pendant 30 ans. Hors de ses 33 ans, il était charpentier. Il faisait les tables et les chaises. Et le jour que le Saint-Esprit est arrivé, partout il est parti. Everything he did. Tout ce qu'il a fait. Every word he spoke. Tous les mots qu'il a dit. Jusqu'aujourd'hui, on se sent rappelé. He spoke to the wind and it obeyed. Il a parlé au vent et le vent obéit. And they obeyed. Il a parlé aux arbres, les arbres ont obéi. He spoke to fish to gather and they gathered. Il a demandé aux poissons de se rassembler et they came back to life. Il a parlé aux morts, ils sont revenus à la vie. Because of the power that comes with the word. à cause de la puissance qui vient des paroles. Tonight, la belle église. Ce soir, la belle église. You know, je ne sais pas combien de fois j'aurai le privilège de vous prêcher. Some of you, this is your last year in Ghana. Certains d'entre vous, c'est votre dernière année au Ghana. But you are living here today. Mais vous quittez ici aujourd'hui with the ability avec l'habileté to speak de parler inspired words of God. Des mots inspirants to venant speak de Dieu. Inspired words of God. De parler des mots inspirants wherever you go de in Dieu. This world, quel que soit l'endroit the Bible où says of Samuel, your words will never fall to the ground unfulfilled. La Bible dit en Samuel que vos paroles ne tomberont jamais à terre. And number three, numéro 3. I've almost finished preaching. J'ai presque terminé de prêcher. Not only do you speak inspired words, non seulement tu prononceras des mots inspirés, but he gives you a word in season. Il te donnera un mot dans la saison. Isaiah chapter 50 verse 4. En Ésaïe 50 verset 4. He gives you the right word. Il te donnera le bon mot. Yeah. Not only does he give you just words to say, but the word in season, the word that is appropriate for today. Non seulement qu'il te donne des mots, mais il te donnera le mot qui est approprié pour aujourd'hui. You have given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He weakeneth morning by morning. He wakeneth morning by morning. He wakeneth my ear to hear as the learned. A word in season. Un mot dans la saison. So when somebody is anointed, you see, if you want to know whether a person is anointed, when the person preaches, you will feel that this is for me today. Si vous voulez savoir que quelqu'un est oint, lorsque la personne prêche, tu sentiras que cette parole c'est pour moi aujourd'hui. You listen to Bishop Saki on radio. Vous écoutez Bishop Saki à la radio. Charlie, I don't know. The other day I sent him a text. I was driving. I was listening. I sent him. I said, how do you do it? L'autre fois, je l'ai écouté à la radio et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, mais comment tu fais ça? Un jour, il m'a dit qu'il conduisait et il a allumé la radio. He heard a certain preacher preaching. Et il a écouté un certain prédicateur prêcher. And he was so happy about the preaching. Et il était très heureux par rapport à la prédication. He was shouting in his car. Il criait dans sa voiture. And he was receiving the word. Et il recevait la parole. He shouted in the car, what a preacher! Et il a crié dans sa voiture, and quel prédicateur, quelle parole! When the preaching finished, quand la prédication est terminée, then the person in the radio said that this has been your Bishop E.A.T. Saki. Et la personne, lorsque la prédication est terminée, le prédicateur then he realized à la radio he was the one preaching the radio. C'est votre prédicateur E.A.T. Saki et il a réalisé que c'est lui qui prêchait à la radio. It's a word in season. C'est un mot dans la saison. They always know what to preach. Et ils savent toujours ce qu'il faut prêcher. You always know which angle to come from. Et tu sais toujours par quel angle passer. Two days ago, three days ago, I sent Bishop a message. I was listening to a camp meeting. Deux jours ou trois jours passés, j'ai envoyé à Bishop un message. I was listening to a message. I think it was a camp. J'écoutais un message. Je crois que c'était un camp. But the angle from where he came. Mais l'angle par lequel il est venu. The angle. L'angle. So I sent him a message. I can't read it to you because je lui ai envoyé un message. Je peux pas vous le lire. C'est privé. Said, Bishop, the angle and the clarity. J'ai dit Bishop, l'angle et la clarité. Hey. I don't think so. Je ne pense pas aussi loin. How do you say it in French? That is what I don't understand. Je ne comprends pas. C'est ce que je ne comprends pas. Il est. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à le comprendre. Je ne think far. Je ne pense pas si loin. Je ne think malade. Je ne think que malade. Je pense très mal. Je ne pense très mal. Don't understand it. Je comprends pas. The angle, l'angle, and the clarity, et la clarité, of what he says, de ce qu'il a what dit, he's preaching, ce qu'il prêche, where he comes from, d'où il vient, and how he delivers it, et comment il le libère. It must be the Holy Spirit. Ça doit être le Saint-Esprit. The Bible says in John chapter 8. La Bible dit en Jean chapitre 8. I think it's verse 40. I think verse 40. Je crois que c'est verset 40 ou 47. I've forgotten which verse. Go and look for it. J'ai oubliez le verset, allez chercher. He said that he that is of God heareth me. Il a dit celui qui est de Dieu m'écoute. Yes, I think it's verse 47. Je crois que c'est le verset 47. Yeah, that's it. He that is of God heareth God's word. Ye therefore hear them not, because you are not of God. Celui qui est de Dieu écoute mes paroles, et vous ne m'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. The one who is from God will hear a message like what Bishop is preaching, but if you are not of God, you will never hear it. Celui qui est de Dieu va écouter le message comme celui de l'évêque, mais si tu n'es pas de Dieu, tu ne vas pas l'écouter. My brothers and my sisters. Mes frères et sœurs. I want to tell you something. J'aimerais vous dire quelque chose. Tonight, the Holy Spirit, ce soir, le Saint-Esprit is going to anoint us, va nous oindre to cause a stir in heaven. Pour provoquer une stimulation au ciel. Do we have Francophone for Jesus this year? Est-ce qu'on a Francophone for Jesus cette année? We are in Francophone for Jesus. Nous sommes dans la période du Francophone hear for Jesus. Me and hear me well. Écoutez-moi très bien. Whose chair is this? Is this your chair? C'est la chaise de qui? Where do you usually sit? Okay. This year, 2016. Cette année 2016. Francophone for Jesus. Francophone pour Jésus. It will be the greatest we have ever had. Ça sera le plus grand qu'on a jamais eu. Because the anointing that is coming upon you. Parce que l'onction qui vient sur vous. In these 3 days. Durant ces 3 jours. It will convert everybody that you meet. Ça va convertir toute personne que vous allez rencontrer. Now, as I close. Maintenant que je clôture. I want to share with you something that I discovered. J'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai découvert. Would you like to know? Voulez-vous entendre? Only 7 people. Let's close. Seulement 7 personnes. On va clôturer. Sister Simone, thank you very much. Sœur Simone, merci. Let's go. Take my jacket. Let's go, guys. Let's go. Let's go. Allons-y. Do you know something? Vous savez quelque chose? I feel the anointing here right now. Je sens que l'onction est déjà là. I feel it. Je sens l'onction. Tonight, I don't know. It's already 9:30, so. Ce soir, je ne sais pas, il est déjà 21h30. But I really want to, I want to lay hands on you. J'aimerais vous imposer les mains. Not to be healed. Pas pour être guéri. But to anoint you to be receptive to the Holy Spirit. Afin d'être réceptif au Saint-Esprit. I discovered. J'ai découvert. That. Que there is a place called hell. Il y a un endroit appelé l'enfer. And et I discovered that j'ai découvert que there are people there. Il y a des gens là-bas. In 2007, en 2007, Russian scientists in Siberia, les scientifiques russes en Sibérie decided to drill the earth. Ont décidé de creuser la terre. There is the deepest part of the earth. La partie la plus profonde de la Terre is 4.5 kilometers in the Pacific Ocean. It's called the Mariana Trench. C'est 4.4 kilomètres du Pacifique Océan. Where is she? She's not well. Okay. She's pregnant. Father, let it be a child in the name of Jesus. A son. It shall be a son in the name of Jesus. Where was I? The Mariana Trench. Le Mariana Trench. Yes, in the Pacific Ocean. Dans l'océan Pacifique. It's 4.5 kilometers deep. C'est 4.5 kilomètres de profondeur. But the Russian scientists in Siberia. Mais les scientifiques russes en Sibérie. Decided to drill the earth. Ont décidé de creuser la terre. To see what is there. Pour voir ce qu'il y a là-bas. And when they drilled, according to the article I read. Lorsqu'ils ont creusé. Selon l'article que j'ai lu, they drilled 14 kilometers. Ils ont creusé 14 kilomètres. And the temperature at 14 kilometers was over 2000 degrees Celsius. Et la température à 14 kilomètres était plus de 2000 degrés Celsius. Right now, the temperature in this room is. Maintenant, la température dans cette salle est de. Temperature is it's about 30 degrees. C'est à peu près 30 degrés. So it was 2000 degrees Celsius. C'était 2000 degrés Celsius. And when they were drilling, et lorsqu'ils creusaient, they put a microphone. Ils ont mis un microphone, un micro down en bas to listen to. You know, if you can do listen to tremors and listen to sounds in the earth to know what is happening down there. Vous pouvez écouter des bruits, des sons sous la terre pour savoir ce qui se passe. No human being can survive at that place. Aucun être humain ne peut survivre à cet endroit. And when they put the microphone there, lorsqu'ils ont mis le micro là-bas, they began to hear sounds. Ils ont commencé à écouter des bruits. You can Google it. Vous pouvez aller sur Google et chercher. They began to hear people screaming. Ils ont commencé à écouter des personnes crier. They, and according to the article, selon Google, l'article, allez they, juste sur they Google. They said that it wasn't one or two people. They heard millions of voices. Selon l'article, il disait ce n'était pas juste une ou deux personnes, des millions de personnes, des personnes qui criaient. And these are Russian scientists who don't believe in God. Ce sont des scientifiques russes qui ne croient pas en Dieu. And they, according to what, according to the article and according to what was said. Selon l'article et selon ce qui a été dit. They believe that they must have entered hell. Ils pensent qu'ils avaient atteint l'enfer. It means that there is a place called hell. Et cela veut dire qu'il y a un endroit appelé l'enfer. And there are people in hell. Et il y a des gens en enfer. Everybody whose funeral you have been to is alive. Chaque personne auquel vous avez atteint les funérailles est vivante. Our brother Daninette, who died last week, he is alive today. L'artiste musicien qui est mort la semaine passée est vivant aujourd'hui. He is more alive than you. Il est plus qu'en vie que vous. I'm sure he's in heaven. Je suis sûr qu'il est au ciel. I'm sure that what day did he die? Was it Thursday, Friday? It was Friday morning. Il est mort mardi matin. I'm sure Friday evening there was worship. Je suis sûr que vendredi soir il y avait l'adoration. And I'm sure Jesus must have come on stage. Et je suis sûr que Jésus est venu sur l'estrade. And everybody was shouting, yay! Et tout le monde criait, hey! Then Jesus would say, hallelujah! Et Jésus disait, alléluia! Oh, I said, hallelujah! Je dis, alléluia! Then I'm sure Jesus would have said, hallelujah, guys, settle down. We have a new kid from earth. Je suis sûr que Jésus His name is Daninette. Come, Danny, come and lead us in a worship song. Je suis sûr que Jésus le présentait, disait que nous avons un jeune enfant de la terre. One of the few things I'm confident about. L'une des choses dont je suis confiant. That when he went to heaven, they gave him a microphone. Quand il est allé au ciel, on lui a donné un micro. And Andre Crouch was standing behind there. And all these other guys. And then he lifted up. If I live for you, Lord Jesus. And should I die for you. In all my ways, I'm ever yours. If I live for you. I'm sure it happened Friday night. Je suis sûr que ça s'est passé vendredi soir. Because the keyboardist in heaven is David. Guys, you and I will be in heaven one of these days, so we shall be walking on the streets of gold. Sur les pavés d'or. But you let's save heaven for later. Parlons du ciel après. I want to preach about heaven. Je veux prêcher sur le ciel. I don't know, maybe tomorrow I'll preach about eternity. Peut-être que demain je vais prêcher sur l'éternité. But back to my message. Revenons au message. Les scientifiques ont découvert qu'il y a des gens qui criaient. Ils pouvaient reconnaître les voix. To be voices of, according to what they wrote, they thought it was their machines making the noise. Selon ce qu'ils ont écrit, ils pensaient que c'était les machines qui faisaient le bruit. The drilling machine. Les machines qui forent. So they stopped the drilling. Ils ont arrêté de forer. And left the microphone. Et ils ont laissé les micros. And they could hear people screaming. Ils pouvaient entendre des personnes hurler, crier. There are people now in hell. Il y a des gens maintenant en enfer. And they are screaming. Et ils crient. They are talking. Ils parlent. They are shouting. Ils crient. They are burning. Ils brûlent. And we are on earth. Et nous sommes sur la terre. On top of them. Au-dessus d'eux. And we are having celebration et on est en train de célébrer. We are doing makeup. On fait des maquillages. Dancing stars. Dancing stars. But we are not preaching. Mais on ne prêche pas. There are some things in hell. Il y a des choses en enfer. That we need on earth. Dont nous avons besoin sur la terre. Tonight, ce soir, I want to show you j'aimerais vous montrer 7 things in hell. 7 choses en enfer. That we need in the church. Que nous avons besoin dans l'église. I said 7 things in hell today. 7 choses en enfer aujourd'hui. That we need in la belle église. Nous avons besoin à la belle église. 7 things that are going on in hell now. 7 choses qui se passent en enfer that maintenant. That we need in la belle église this month. Nous avons besoin Luke chapter 16, Luke chapitre 16 and verse 19, verset 19. There was a certain rich man, il y avait un certain, which was clothed in purple, un certain homme riche, and fine linen, était vêtu de pourpre, and he fed sumptuously every day. Et il vivait joyeusement sa vie. And there was a certain beggar, et il y avait named Lazarus, un certain pauvre which nommé Lazare, was laid at the gate of the rich man, qui était auprès de l'homme riche, full of sores, couvert du cerf, desiring to be fed by the crumbs that fell, désireux de manger les miettes qui tombaient from the rich man's table, du riche. Moreover, the dogs came and licked his sores. Les chiens venaient lécher ses ulcères. And it came to pass, et il est arrivé, that the beggar died, le Lazare mourut, and was carried, était transporté by angels, par les anges, into Abraham's bosom, dans le sein d'Abraham. And it also came to pass, et il est aussi arrivé, that the rich man died, que l'homme riche mourut. Hey, hey, it doesn't matter who you are, peu you have an appointment with death. Tu as un rendez-vous avec the la Bible mort. Says in Hebrews chapter 9 verse 27, la Bible dit en Hébreux 9, for it is appointed unto man, car il est permis once à un homme, to die, and after that judgment, de mourir une seule fois et après le jugement. The Bible said that the rich man died, la Bible dit que l'homme riche est mort. And in hell, et en enfer, he lifted up his eyes, il a levé ses yeux, being in torments, étant dans le tourment, and seeth Abraham afar off, et voyait Abraham de loin, and Lazarus in his bosom, et Lazare dans son sein, and he cried, et il a crié, and said, Father Abraham, il a dit, Père Abraham, have mercy upon me, aie pitié de moi, for I am tormented in this flame, car je suis tourmenté dans ce flamme. Send Lazarus, envoie Lazare, to dip the tip of his finger, de tremper le doigt, to dip the tip of his finger, de tremper son doigt, and come and cool my tongue, afin de me donner une goutte d'eau, for I am tormented in this flame, car je suis tourmenté dans cette flamme. And Abraham said unto him, et Abraham lui dit, son, mon fils, remember, souviens-toi, that thou in thy lifetime, tu t'es réjoui durant ta vie, thy good things, tu t'es réjoui durant and ta vie, likewise Lazarus evil things. Et Lazare souffrait. But now he is comforted. Et maintenant il est réconforté. And thou art tormented. Et toi tu souffres. And besides all this, et à part cela, between us and you, entre toi et moi, there is a great gulf fixed. Il y a un gouffre qui nous sépare. So that nobody can go from hence to you. Afin que personne ne peut quitter. Neither vers can toi. They come from thence to hence. Ni personne vers toi. And vers the nous. Guy changed his request. Et il a changé sa requête. He was no more talking about the water. Il ne parlait plus de l'eau. He was not talking about the fire. Il ne parlait plus du feu. He stopped worrying about himself. Il a cessé de s'inquiéter. He stopped worrying about his rent. Il a cessé de s'inquiéter de lui-même. He stopped worrying about his feelings. Il a cessé de s'inquiéter de ses sentiments. He stopped worrying about his pocket. De sa poche. He said that I pray thee, Father Abraham. Il a dit, je t'en prie, Père Abraham. Send Lazarus. Envoie Lazare. To go to my father's house. Prends la maison de mon for père. For I have five brothers. Car j'ai cinq frères. That he may testify unto them. Afin qu'il leur dise que ces choses about this place. De cet endroit. Lest they come to this place. Afin qu'ils ne viennent pas ici. And Abraham said. Et Abraham lui dit. They have Moses. Ils ont Moïse. And the prophets. Et les prophètes. Let them hear them. Qu'ils les écoutent. You see, when this story was being written or told, lorsque cette histoire a été racontée, the New Testament had not been recorded. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit. The only Bible that they had, la seule Bible qu'ils was avaient, a collection of the books of Moses and the prophets. C'était la collection des livres de so Moïse Abraham et les prophètes. Was telling the man, et Abraham disait alors, they have the Bible. Ils ont la Bible. Let them read the Bible. Ils lisent la Bible. And the man challenged Abraham. Et l'homme a défié Abraham. Nay, Father Abraham. Il a dit, Père Abraham. They will not believe it. Ils ne vont pas croire. They will believe it's one person rises from the ils dead. Ils croient aussi quelqu'un quitte le séjour des morts. And Abraham says, if they will not receive Moses and the prophets, s'ils ne reçoivent pas Moïse et les prophètes, neither will they be convinced. Ils ne seront pas convaincus. If one comes from the dead, si quelqu'un vient du ladies des and gentlemen, frères et sœurs, I present unto you, je vous présente, seven things in hell, sept choses en enfer, that we need in our church today. Nous avons besoin dans notre number église one, aujourd'hui. Numéro un, Luke chapter 16, Luke chapitre 6, and verse 23, verset 23, the Bible says in hell, la Bible dit en enfer, he lifted up his eyes, il a levé ses yeux. The first thing we need, la première chose dont nous avons we besoin, need vision, nous avons besoin de la vision. Oh, we need to lift up our eyes. Nous avons besoin de lever nos we yeux. Need to have a vision for the future. Nous avons besoin d'avoir une vision we pour le futur. We need to have a vision for the lost. Nous avons besoin d'avoir une vision we pour le perdu. We need to have a vision for eternity. Nous avons besoin d'une vision pour l'éternité. Colossians chapter 3 verse 1. Colossiens 3:1. I feel like preaching tonight. Je sens que je dois prêcher ce soir. If you then be risen with Christ, si quelqu'un est, seek the things which are above. where Christ seated on the right hand of God. Affectionnez-vous des choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Verse 2 says, set your affections. La Bible dit, affectionnez-vous. Set your affections. Affectionnez-vous. On things above. Des choses qui sont en haut. Not on things on the earth. Et non à celles qui sont sur la terre. My dear brothers and my dear sisters. Mon cher frère et sœur. The church today. L'église d'aujourd'hui. Is full of people. Est pleine de gens. Whose vision is below. Dont la vision est sur la terre. Our vision is for a house. La vision c'est pour une maison. Our vision is for a beloved. La vision c'est pour une beloved. Our vision is for shoe. La vision c'est pour les chaussures. Our vision is for mobile phone. La vision c'est pour Galaxy S7. Our vision is for hairstyle. C'est pour les styles de but cheveux. Our vision, vision must be lifted up like the man in hell. Comme l'homme the Bible en fait. Says in hell, la Bible dit en he en fait. Lifted up his eyes il levait ses yeux. And he saw Abraham. Il a vu Abraham. How many of us in the church combien d'entre nous dans are l'église seeing eternal things? Sommes en train de the voir Bible les choses says, la Bible dit, wherefore, seeing we are so compassed about alors que nous by such a great crowd of witnesses, si de let us lay aside every weight and the côté, sin that doth so easily beset us, le péché qui nous and let us run with patience et courons vers the race that is set before us. La course how? Qui est devant nous. By looking unto Jesus, en regardant Jésus, the author and the finisher of our faith, et le consommateur who de notre for foi, the joy that was set before him, de celui qui était endured the lui, cross. And despise the shame. Il a méprisé for consider him il n'a pas who endured such a great contradiction of sinners. Lest you be weary and faint in your hearts. Afin que vous ne soyez pas loin my de votre dear brother and sister, frères et sœurs, lift up your eyes. Levez vos yeux. For the harvest is ready. Car la moisson est lift prête. Up your eyes. Levez vos yeux. For your king is coming. Car votre roi arrive. Lift up your eyes. Levez vos yeux. From your small course at the university. Au-delà de vos from petits a small relationship you are in. De votre petite relation lift dans laquelle up vous êtes. Your eyes. Levez vos yeux. In hell they have vision. Et à they vision. Are seeing far. En enfer, they can loin. See eternity. Ils voient l'éternité. If I ask you which of you know of four verses in the Bible, si je vous demande si quelqu'un that talk about eternity, quatre versets dans la and Bible about qui heaven, l'éternité, de, we don't du know ciel, it. Nous ne savons but pas. But yet we think we are going there. Et maintenant nous pensons may que the Lord anoint your eyes with eyes that in seeing you may perceive. Afin voyant, tu and may he anoint your ears with ears salve that in hearing you may understand. En entendant que tu puisses comprendre. We need vision. Nous avons besoin de la vision. We need vision in the nous avons besoin de la vision dans l'église. Many of our gospel musicians, beaucoup de nos artistes, musiciens de gospel, they don't have vision. Ils n'ont pas la vision. You can tell from the kind of songs they sing. Vous pouvez dire du genre de chants qu'ils chantent. The lack of vision. Il y a un manque de vision. Many people lack vision. Beaucoup de gens manquent de vision. They are more interested in the applause. Ils sont plus intéressés aux acclamations the message of the song. Que du message that's du chant. Why I will listen to Ida any day. Voilà pourquoi je vais écouter when Ida she will sing about heaven and hell. Lorsqu'elle va parler du she will ciel sing de about the blood of Jesus. Du sang de Jésus. Not some of these other people. Non, pas ces autres personnes. The other day I was listening to somebody. L'autre jour j'écoutais quelqu'un. Started singing. Il a commencé à chanter. I want to tell you about Humpty Dumpty. Je vais vous parler de Humpty Dumpty. So if ever you see Humpty Dumpty, it's a gospel song. C'est un chant gospel. Gospel song. Or anybody else who's had a fall. What are you saying? Qu'est-ce que tu dis? What are you saying? Qu'est-ce que tu dis? Oh, oh, oh, oh, it all comes down to love. What are you saying? Qu'est-ce que tu dis? While people are burning in hell, alors que les gens brûlent en enfer, people are going there now. Les gens vont là-bas maintenant. You are singing about Jack and Jill. Tu parles de Jack and Jill. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Hey, my dear brother, my dear sister. Mon cher frère, ma chère sœur. We need to lift up our vision. Nous devons élever notre vision. We need vision in the church. Nous avons besoin de la vision dans l'église. Our church is the last of the seven churches written about in the book of Revelation. Notre église est la dernière des églises écrites dans le livre d'Apocalypse. We are in the Laodicean church. Nous sommes dans l'église de Laodicée. We are lazy. Nous sommes paresseux. Lustful. En convoite. Jesus said that you because you say that I am rich and I have need of nothing and I'm increased with goods and yet you don't know that you are poor and you are naked and you are miserable and you are blind and you are wretched. In our generation, in our church, dans notre génération, dans notre église, the church that we belong to, l'église dont nous appartenons, we are blind. Nous sommes aveugles. We are blind. Nous sommes aveugles. We are blind. Nous sommes aveugles. That's the truth. C'est la vérité. Many of us can't see far. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas voir loin. Can't see anything. Ne pouvons rien that voir. Is of any relevance to eternity. Ça n'a aucune importance pour l'éternité. Completely blind. Complètement aveugle. In 2 Peter chapter 1. En 2 Pierre 1. The Bible says in verse 8 and verse 9. La Bible dit en verset 8, verset 9. He says that for if these things be in you and abound, si ces choses sont en vous abondamment, they make you, elles ne vous, that you should neither be unfruitful, elles ne vous rendront pas nor barren, stérile ou infructueux, in the knowledge of him, dans la connaissance, in the knowledge of our Lord Jesus, dans la connaissance d'un Seigneur Jésus Christ. Because you see, there are some people in the church, you, they don't have even one soul. Il y a des gens dans l'église, ils n'ont même pas une seule âme. They don't have even one convert. Ils n'ont même pas un seul converti. They come to the church, they join the choir, they join the dancing stars, they are in the drama group, they do anything, but as for convert, they don't have. Ils viennent à l'église, ils sont dans les groupes, mais pour les convertis, ils n'ont pas même un seul. They are spiritually barren. Ils sont spirituellement stériles. And unfruitful. Et infructueux. Verse 9 says, for he that lacketh these things. La Bible dit au verset 9, car si quelqu'un manque ces choses, is blind. Il est aveugle. Blindness will make you unfruitful. Être aveugle vous rendra stérile. And he cannot see afar off. Et il ne peut pas voir loin. Et ils ont aussi oublié qu'ils ont été purifiés de leur ancien péché. Lay your hands on your eyes. Mettez vos mains sur vos yeux. Say, Father, dites Père, anoint my eyes tonight. Ouvre mes yeux ce soir. To see eternity. De voir l'éternité. Hallelujah. Hallelujah. Number two thing that we need in the church. Numéro deux dont nous avons besoin à l'église. It is in hell. C'est en enfer. But we don't have it in the church. Mais nous n'avons pas ça à l'église. The second thing in hell that we need in the church. La deuxième chose qu'on a en enfer dont nous avons besoin à l'église. Tears. Sans les larmes. Verse 24. Verset 24. Luke 16, 24. Luc 16. And he cried. Verset 24. Et il pleura. Et il pleura. He cried. Et il pleura. He cried. Il pleura. And said, Father Abraham, he cried. Il disait Père Abraham. He cried. Il pleura. In our churches today, we are ashamed of crying because of mascara. Dans notre église aujourd'hui, nous avons honte de pleurer à cause des mascaras. You see, when you cry, the few times I have cried in my life. Les quelques fois j'ai pleuré dans ma vie. Something moved me to the point that. Quelque chose a bougé en moi au point où. There are funerals I've been to. Il y a des funérailles où j'ai été. I mean, with all due respect, avec tout le respect fresh, que je vous dois. When I heard Daninete had died, quand j'ai appris que le musicien est mort, I said, oh, j'ai dit oh, oh, what a loss. Quelle perte. What will happen to his family? Qu'est-ce qui arrivera à sa famille? Because I knew him, I knew his sisters. Parce que je connaissais ses sœurs. Then I just put my phone down and I moved. Et j'ai juste déposé mon téléphone, je suis parti. I'm sorry, je suis désolé. You have cried. I can see from your eyes. Je vois que vous avez pleuré, je vois but de vos yeux. I didn't cry. Mais j'ai pas pleuré. Because the relationship didn't move me to the point of tears. Parce que la relation m'a pas emmené au point où je pouvais pleurer. But the 18th December 2008. Mais le 18 décembre 2008, it was a Tuesday morning. C'était un mardi matin. I was in my office. J'étais dans mon bureau. I was calling Mrs. Saki. J'appelais Madame Saki. Because I brought some things from Dunkokrom. Parce que j'ai emmené quelque chose de Dunkokrom. She had told me the day before that when I come, I should bring it to her house. Elle m'avait dit un jour avant, lorsque je viens, je l'emmène à la maison. She was my office mate. Elle était son bureau était juste à côté du mien. We sat in the same office. On s'assied dans le même this bureau. This is her desk. This is my desk. C'est sa table et voici ma table. She used to like eating cabbage soup. Elle aimait manger la soupe des choux. She was trying to lose weight. Elle essayait de perdre du so poids. So when she brings the cabbage soup, William, do you want? She used to call me Willy Boy. Do you want some? Elle m'appelait souvent Willy Boy. Est-ce que tu veux la soupe des choux? Okay, it's okay. LP, ça va, ça va. We were office mates. We used to talk about everything. Donc on était collègues au bureau. On parlait de tout. And I was in the office that morning. I had called her phone. J'étais au bureau ce matin-là. J'ai appelé son téléphone. J'ai appelé son téléphone. Because it's very unlike her. Parce que ce n'est pas de sa habitude de ne pas rappeler. So I decided to call Bishop Saki. J'ai décidé d'appeler Bishop Saki. J'ai appelé son téléphone. No response. Il n'y avait pas de réponse. I said, okay, maybe. J'ai dit ok, then peut-être. A friend of mine called. Et un ami à moi m'a appelé. He said that, where are you? Il m'a dit, oh, où es-tu? So I'm in the office. J'ai dit, je suis au bureau. They said that they have seen Bishop at Kolebu. On a vu Bishop à Kolebu. They have seen Bishop at the hospital. On a vu Bishop à l'hôpital. He's crying. Il pleure. He's crying. Il pleure. Il a dit quelque chose, Bishop Saki. So I drove my car with speed. Et alors j'ai conduit ma voiture avec vitesse à l'hôpital de Lighthouse. I said, where is Bishop? Where is Bishop? J'ai dit, où est Bishop? Où est Bishop? Said, no, nobody knew what had happened. Personne ne savait ce qui se Then passait. I called the person. Did you say the hospital? Said, yes, Korlebu. Et j'ai rappelé la personne, tu as dit l'hôpital? Il a dit oui, Korlebu. Drove like a madman. J'ai conduit comme un homme fou. When I got to Korlebu, lorsque je suis arrivé à Korlebu, when I got there, quand je suis arrivé là-bas, her body was being taken inside. Le corps était en train d'être emporté. Bishop's eyes were red. Les yeux du bishop étaient rouges. Bishop Saki was walking somewhere. Le bishop Saki marchait quelque bishop part. Adi was somewhere. Bishop Adi quelque his part. Hand was on his head. Sa main était sur sa tête. And Bishop turned to me. Et Bishop s'est retourné, m'a He regardé. Said, William, il m'a dit, William, your mother is dead. Your mother, ta mère est morte. I couldn't believe. I shut down. Je ne pouvais pas croire, je me suis said, assis. What? J'ai dit, quoi? Il m'a dit, elle est morte. J'ai dit, quoi? And I came home. Et je suis revenu à la maison. My wife had traveled. Ma femme avait voyagé. My mother, I was alone in the house. J'étais seul à la maison. And I began to weep. Et j'ai commencé à pleurer. I have never cried like that. Je n'ai jamais pleuré comme ça avant. I began to weep. J'ai commencé à pleurer. And the news began to spread around the world. Et so, la nouvelle a commencé à s'éparpiller dans le monde. My sister called. Ma sœur a appelé. And another one to call. Une autre a appelé. Then my brother-in-law picked the phone and said, "How are you doing?" I said, "How do you want me to do?" Et mon beau-frère a appelé. Il a dit, "Comment tu vas?" J'ai dit, "Comment est-ce que tu veux que je puisse aller?" I could not control myself. Je ne me contrôlais plus. I'm not saying it to make you sad. Je ne vous dis pas ça pour what vous I'm rendre saying is that triste. Ce que je dis, c'est que why are we not moved about the lost? Pourquoi nous ne sommes pas émus to de ceux qui sont perdus? Shedding tears. Au point où on peut pleurer. Why is it that in our generation, pourquoi dans notre génération, nobody cries about the lost? Personne ne pleure à propos about de ceux qui dying sont perdus. Ones in a nightclub tonight. À propos de ceux qui pleurent dans why une boîte don't de nuit. We cry? Pourquoi nous ne pleurons pas? Why are we so happy? Pourquoi nous sommes si heureux? We say we are doing francophone for Jesus. On dit qu'on fait francophone pour where Jésus. Are the lost? Où sont les perdus? Where are they? Où sont-ils? Don't you care? Est-ce que tu ne if you are te soucies crying, pas? Then I know it hasn't affected you. Si tu ne pleures pas, je crois que ça ne t'a pas affecté. It's just a piece of news. C'est juste une nouvelle. Oh, that letter is dead. Oh, c'est triste, il est mort. You hear said that Ninette died. Avez-vous appris qu'il est mort? Oh, sorry. Oh, nous sommes désolés. It is two different things. C'est deux choses différentes. From the one that I couldn't even tell somebody that she was dead. De la personne dont je ne pouvais même pas dire à quelqu'un qu'elle est morte. I wanted to stop crying. I couldn't stop. Je voulais arrêter de pleurer, mais je n'arrivais I pas. Cried and cried until I was weak and j'ai I slept. Pleuré, j'ai pleuré jusqu'à ce que j'étais faible et j'ai dormi. Today, may God baptize you with tears. Ce soir, que Dieu te baptise des larmes. Receive the ability to cry for your brother in Congo. Reçois l'habileté de pleurer pour ton frère au Congo. To cry for your brother in Gabon. De pleurer pour ton frère au Gabon. Who has had to enter the occult. Qui est presque à rentrer to dans be les able sciences to get occultes a job. Afin d'avoir un travail. To cry for your father. Pleure pour ton and père. Your mother. Ta mère. Why don't you care? Pourquoi tu ne t'en soucies pas? He cried. Il a pleuré. Cried. Il a pleuré. The third thing in hell. La troisième chose en enfer. I'm sorry if I'm wasting your time. Je suis désolé si je perds votre temps. The third thing in hell. La troisième chose en enfer. Is that they have remembrance. Ils se rappellent. Remembrance. Ils s'en souviennent. Verse 25. Verset 24. Abraham said that verset 25. Remember. Abraham a dit souviens-toi. Remember. Souviens-toi. Remember. Souviens-toi. Remember. Souviens-toi. Christian life is a life of decisions. La vie chrétienne est une vie de décisions. And the decisions you will take in your life is based on the things you remember. Et les décisions que vous prenez dans votre vie est basée sur les choses dont vous remember vous en souvenez. Remember where you are coming from. Souvenez-vous d'où vous venez. Remember how you were saved. Souvenez-vous donc comment vous êtes sauvés. Remember how Sister Simone didn't give up on you. Souvenez-vous comment la sœur Simone today ne vous a pas abandonné. The audacity to call yourself a shepherd. Et aujourd'hui tu as l'audacité d'être and appelé you berger. Go and look for another person. Et tu ne vas pas chercher personne. Remember. Souviens-toi. In hell they have remembrance. En enfer ils s'en souviennent. Remember. Ils s'en souviennent. Number 4. Numéro 4. We have to close, so I can't give you all the points. On doit arrêter, je ne peux pas tout vous donner. Under each of the things I've given you, I have 3 points. So I can't. Sous chaque point que je vous ai donné, j'ai 3 points. Je ne peux pas tout number vous donner. Four, numéro 4, la quatrième chose. I'm preaching from Luke 16. Je prêche de Luc chapitre 16. Thing that they have in hell, that la quatrième chose qu'ils ont en enfer. That we need in the church. Dont nous avons besoin à l'église. What is number one? Quel est le numéro 1? Vision. La vision. What is number two? Quel est le numéro 2? Tears. Les larmes. Numéro 3, s'en souvenir. Vous devez penser très loin. Souvenez-vous ce qui a été fait sur la croix. Sur la croix du calvaire pour toi. Souvenez-vous des missionnaires qui sont venus prêcher l'évangile. Souvenez-vous du sacrifice de l'évêque Dag Howard Mills. Souvenez-vous de la personne qui vous a conduit à Christ. Mais dans l'église, nous avons des gens qui ne s'en souviennent pas. Qui les livre? Those who forget. Oui. Ceux qui oublient. Oubliant. Ceux qui oublient. We are so forgetful. Nous sommes très oublieux. In the church of Laodicea. Dans l'église de Laodicée. That a whole book has to be written. Jusqu'au point tout un livre doit être écrit. To remind us to remember. Afin de nous rappeler de s'en souvenir. And even the book. Même le livre. We use it as decoration. Nous l'utilisons comme une décoration. We never read it. On ne lit jamais ça. Remember. Souvenez-vous. We need remembrance in the church. On a besoin de s'en souvenir dans l'église. Number four, numéro 4. Let's close. Number Terminons. Numéro 4. The next thing that they need in hell. La... They have in hell, but we need in the church is in verse 26. Separation. L'autre chose dont ils ont en enfer, dont nous avons besoin à l'église, est la séparation. And beside all this, there's a great gulf fixed. Et entre nous, il y a un grand golfe qui nous sépare. In the church, dans l'église, we are so attached to the world. Nous sommes trop attachés au monde. Look at our hairstyles. Regardez nos styles de cheveux. Look at our shoes. Regardez nos chaussures. Look at the music we enjoy. Le genre de musique dont nous prenons plaisir. Look at the television programs we like watching. Regardez les programmes de télévision que nous suivons. Look at the websites we like visiting. Regardez les sites web que nous aimons visiter. Look at the way we are trying so hard to be attached. Regardez comment nous essayons beaucoup pour être attaché. Hell, he said there's a great gulf fixed. Pourtant, on dit qu'il y a un grand golf so that nobody can come from here to you. Qui nous sépare afin que personne d'ici neither pour aller vers là-bas come from there to ni de là-bas vers ici. We need to be separated from sin. Nous devons être séparés du péché. Separated from the world. Séparés du monde. Separated from some friends who will take you back. Séparés de certains amis qui vont nous faire regarder. Nous en avons besoin. We need the gulf to be fixed. Nous avons besoin d'un gouffre qui nous sépare. Our gulf is elastic. Notre gouffre est élastique. Your beloved is a certain boy. Votre beloved c'est un certain homme. With an earring in his ear. Avec une boucle d'oreille à l'oreille. And he smokes cigarettes. Et il fume la cigarette. And he drinks alcohol. Et il boit l'alcool. And I mean he's a sort of character. All the girls in the school like him. Il a un genre de caractère. Because toutes les filles he's tall and he's got a broad chest. Il a une like Johnny Bravo. I had a girl in my church. J'avais une fille dans mon église. 19-year-old girl. 19 ans. Came from a certain country to Ghana to study. Elle est venue d'un certain pays au Ghana pour étudier. A francophone girl. Une fille francophone. Doing so well in the choir. Elle faisait bien la chorale. I was grooming her to take over from the person who was there when the person goes. So you are so loyal, so faithful, you follow this person so well, you are likely to be the next leader. Je la préparais à prendre la place d'une autre personne qui partait. And then she started missing service, weekday service. Et elle a commencé à manquer les services en semaine. Then at a point she started missing Sunday service. Et à un moment donné, elle manquait les services du dimanche. So she didn't come for 3 weeks. Elle n'est pas venue pendant 3 semaines. Then I sent a group of people to her house to find out what is wrong. Et j'envoyais un groupe de personnes dans sa maison pour voir ce qui n'allait pas. To visit her. Lorsqu'elles sont allées lui rendre visite, she said she will come to church. Elle a dit qu'elle viendra à l'église. But when they came back to tell me after church, lorsqu'ils sont venus me dire après l'église, said, Reverend, when we went there, ils ont dit, Reverend, lorsque nous sommes allés là-bas, living with a certain boy. Elle vivait avec un certain garçon. And we know this boy. Et nous connaissons ce garçon. The number of girls he has slept with. Le nombre de filles avec qui il a couché. So I sent her a message. Et je lui ai envoyé un message. And I said, come and see me. Je lui ai dit, viens me voir. It took 2 weeks for her to come. Ça l'a pris 2 semaines and avant she de venir. Came after church. Elle est venue après l'église. 19-year-old girl. 19 ans. She sat down. Elle s'est assise. I said that how are you? You know, je lui ai dit, comment tu vas? Les plaisanteries. Et quelle est cette personne qui est venue dans ta maison? Parce que quand tu Et parce que lorsque tu louais la maison, tu me connaissais, qui pouvant t'aider and, à trouver la maison. You knew my address and my name and my number to be able to help you to negotiate with the landlord. Et tu connaissais mon adresse, mon nom, mon numéro pour t'aider à négocier so avec le landlord. If you are bringing somebody to live in the house, at least have the courtesy to inform me. Et si tu emmènes quelqu'un dans la maison, aie au moins le culot de m'informer. I said, who is this person? Qui est cette personne? Is it your beloved? Est-ce que c'est ton bien-aimé? She said yes. Elle a dit oui. Then I said, what are you doing with this boy? Et qu'est-ce que tu fais avec ce garçon? Je lui ai dit. I don't know him. Je ne lui connais pas. But this is what I've heard. Mais c'est ce que j'ai appris. And I heard the most amazing words I've ever heard. Et j'ai entendu le mot le plus surprenant que j'ai jamais entendu dans ma vie. En tant que pasteur pour une fille de 19 ans. She sat across me. She said, Reverend, let me tell you something. Elle s'est assise à côté de moi et m'a dit, Révérend, laisse-moi te dire quelque chose. She said, you must learn to mind your own business. Elle a dit, tu dois apprendre à gérer tes propres affaires. She told me, said that, she said, you must. This was she said. Listen. Voici ce qu'elle m'a dit. Écoutez. She said, you must really learn to mind your own business. Vous devez vraiment apprendre à gérer vos propres affaires. I said, really? J'ai dit vraiment. She said yes. Elle a dit oui. She said, I am happy. Elle a dit je suis heureuse. And that is what matters to me. Et c'est ce qui m'importe. Then she asked me, are you finished? Et je lui ai dit, est-ce que tu as fini? Said, yes, I am finished. Elle m'a demandé, est-ce que vous avez fini? J'ai dit, oui, j'ai fini. That was the last day I saw her. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue. When she was getting admission to the university, lorsqu'elle, I went to the lecture. Lorsqu'elle a eu la permission d'aller à l'université, and I told him, this is one of my people. J'ai vu le professeur, j'ai dit, c'est l'une please, de mes personnes. She's coming. Can you organize? Can you help? J'ai dit, elle arrive, est-ce que vous pouvez vous organiser? Est-ce Ghana, que vous pouvez l'aider? Ghana Telecom University. À Ghana Pastor Telecom. Pazzi. Pasteur Pazzi. I went to see him. That time he was a lecturer there. Please help. À l'époque, il était enseignant là-bas. J'ai dit, s'il te plaît, aide. I must learn to mind. I'm minding my et maintenant, je dois apprendre à gérer mes propres affaires. Je gère mes propres affaires. But you see, guys in the church, vous voyez les gens dans l'église? We are not separate from the world. Nous ne sommes pas séparés du monde. We are too in touch with the world. Nous sommes trop en touche avec le monde. Too entangled. Trop attachés. We have hooked ourselves to the nous world. Sommes accrochés au monde. So that, you see, Asa, what's your name? Jesse, we have carried the world on ourselves. Nous avons transporté. Nous avons transporté le monde sur nous-mêmes. When you are carrying the extra weight of the world, lorsque vous transportez le poids du monde, even your ability to move, même votre habileté de bouger, de vous déplacer, est limitée. Écoutez. It will take more effort to walk. Ça va demander plus d'effort de marcher. To church. À l'église. It takes more effort to come to church. Ça demande plus d'effort de venir because à l'église. I'm carrying the world. Parce que je transporte le it monde. Takes more effort to go for a camp. Ça demande plus d'effort d'aller because pour un I'm camp. Carrying the world. Parce que je transporte it takes le monde. More effort to buy Macarius. Ça demande because de, I have d'acheter to pay for the world. Parce que je dois payer but tonight, mais ce soir, we are releasing the world. We are monde. Free. Nous sommes libres. We are letting go of the world. Nous laissons le monde. Shout yes! Criez oui! The reason why you can't come to church early on Sunday la raison pour laquelle tu ne peux pas because venir. Saturday night you were dancing. You were dancing in a nightclub. You were smooching a boy with your bottom like this. Smooching a boy with your bottom. That's why you can't come to church on Sunday morning. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas venir. You can't wake up. Tu ne peux pas trouver and come to church et venir à l'église because the whole night, parce que toute la nuit you were on the internet. Tu étais sur internet www.blackmama.com maman noire you were looking at certain things tu regardais certaines choses watching certain things en train d'observer certaines choses from today à partir may the link of the world be cut que les liens du monde let there be a great gulf fix il y a un grand gouffre between us and you qui nous sépare that we will not come there là, pour que nous shout ne yes criez oui. Numéro 5. We have numéro to close. 5. We have to close. On doit terminer, on doit clôturer. We have to close. Number 5. Numéro 5. The fifth thing that is in hell today. La cinquième chose qui est en enfer aujourd'hui. But it is not in the church. Et qui n'est pas dans l'église. Surprisingly. C'est surprenant. It's in verse 27. C'est au verset 27. Then he said, therefore I pray thee. Et il a dit, je vous prie. There's no prayer in the church. Il n'y a pas de prière dans l'église. In hell they are praying. En enfer, ils prient. They are praying for the lost. Ils prient pour les perdus. There's a prayer meeting for the lost. Il y a une réunion de prière pour les perdus. They are praying for those who are yet to come there. Ils prient pour ceux qui sont prêts à venir ici. In the church, we are not praying for those who are yet to go there. Et à l'église, on ne prie pas pour ceux qui sont prêts à aller là-bas. Our prayer meetings are more for the things of this world. Nos réunions de prière sont plus pour les choses de ce monde. The average charismatic Christian when he's praying. Le chrétien charismatique lorsqu'il prie. Father, we thank you. Father, forgive me of my sins, Lord. Now, Lord. Père, nous te prions, pardonne mes péchés, Seigneur, in January, maintenant. You said you will give me a beloved. Mais en janvier, tu m'as dit, tu me donneras une bien-aimée. I don't have a beloved now. Maintenant, j'ai pas de beloved. But Father, I pray for your will to be done. Maintenant, je prie pour que ta volonté soit faite. Lord, the boy who is playing the keyboard. Père, le garçon I haven't qui joue seen piano. Him in the church before. Je n'ai jamais vu un Lord, if it is your will, Père, si c'est ta volonté, direct my path, oh Holy c'est ta volonté, Ghost. Shepa tabaya baba, iba tolo no baba, iba taile de baba, rama taile de baba, iba tolo no. That's the prayer. Ça c'est la prière. That's why. Any day, Sister Simone will organize a prayer. Voilà pourquoi la sœur Simone va organiser une réunion de prière. Nous prions pour francophones pour Jésus. Nous prions pour francophones pour Jésus. We are praying for francophones for Jesus. Prions pour francophones pour Jésus. Only the first line of people will come. C'est seulement les gens sur la première ligne qui viennent. It will be a dead, boring prayer meeting. Et ça sera une prière ennuyeuse. C'est baba. As you are praying, then you take your phone, then you alors check WhatsApp. Vous priez, vous regardez votre téléphone, vous regardez WhatsApp. You are answering WhatsApp. Vous répondez au WhatsApp. In a prayer meeting. Dans une réunion de prière. For the lost. Pour les perdus. And you take your phone and you take selfie. Et vous prenez votre téléphone, prenez un selfie. La prière. In hell. En enfer. In hell. En enfer. Do you know what they are praying for? Vous savez pour, selon quoi ils prient en enfer? They are praying for missionaries. Ils prient pour les missionnaires. Send. Envoie. Send. Envoie. They are praying for evangelism. Ils prient pour l'évangélisation. They are praying for the lost. Ils prient pour les perdus. How many of us pray for our countries? Combien d'entre nous prions pour nos pays? Why don't all the Gabonese in the church? Pourquoi pas tous les Gabonais de l'église together in a circle, se rassemblent dans un cercle, hold hands, s'attrapent les mains and begin to pray et commencent à prier for Libreville, pour Libreville, for Port-Gentil, pour Port-Gentil, for all the towns in Gabon, toutes les villes au Gabon, and then across the car park, et de l'autre the côté Congolese du parking, will join their hands, les Congolais se joignent leurs mains, pray for Brazzaville, et prient pour Brazzaville, and what else? Pointe Noire. Pointe Noire. Pointe Noire. Whatever. And the Ivorian, why et les Ivoiriens. Why don't we have such prayer meetings? Pourquoi nous n'avons pas ce genre de réunion de prière? Where we put a map of Africa. Lorsque nous mettons une carte de l'Afrique. Africa is made up of 51 countries. L'Afrique est faite de 51 pays. 31 of them are francophones. 31 sont francophones. Africa is predominantly French. L'Afrique est prédominée par les francophones. We are enjoying life. Et nous, on se réjouit de la vie. We are in the dancing stars. Nous sommes dans les dancing stars. But we are not in the praying stars. Mais nous ne sommes pas dans les praying stars. May we have praying stars for today. Que nous puissions avoir les praying stars à partir d'aujourd'hui. Number 6, I have to close. Numéro 6, je dois clôturer. Even under this, I have three topics. Même sous ce point, j'ai trois points. number 6. Numéro 6. It's also in verse 27. C'est aussi au verset 27. This is in hell, but it's not in the church. Ça c'est en enfer, mais c'est pas dans l'église. Missions. Les missions. Missions and missionaries. Les missions et les missionnaires. And evangelism. Et l'évangélisation. It's in hell. C'est en enfer. And we need to transfer it to the church. Et nous devons transférer cela dans l'église. Because if Bishop comes to stand here today, Bishop will not ask how many of you want a car. Si Bishop is raising people who will be sent out as missionaries. Si Bishop vient ici se tenir debout, il ne va pas demander combien veulent les voitures. Il appelle les missionnaires. Yeah, and all of you who come to La Belle Église. Et vous tous qui venez à La Belle Église. May this be your aim. Mais que cela soit votre objectif. That the day you go to Kotoka. Le jour que vous irez à Kotoka and you are leaving Ghana, et vous quittez le Ghana, you are being sent as a missionary. Vous êtes envoyé en tant que missionnaire. Don't go and do anything else with your life. Ne n'allez pas faire n'importe quoi avec votre preach, vie que de prêcher l'évangile. Do not go and do anything. It won't work. Ne partez pas faire n'importe quoi. Of investment that the Holy Spirit has placed in you, il y a beaucoup d'investissements que le Saint-Esprit a mis en vous, ça ne va pas marcher. I am building an office block. Je construis un bureau. We are about to finish. On a presque fini. So one day I took pictures of it. Un jour, j'ai pris des photos. I was very happy. J'étais très content. And I sent it to Bishop. J'ai envoyé cela à Bishop. Bishop, look at our project. Bishop, regarde notre projet. We are about to finish. On a presque fini. And the only reply he gave, et la seule réponse qu'il m'a donnée, we need more missionaries. Oui, on a besoin de beaucoup de missionnaires. We need more missionaries. On a besoin de beaucoup de missionnaires. In hell, en enfer, they are not talking about buildings. On ne parle pas de construction. They don't care. Ils s'en foutent. About balloons ou des ballons. And big cathedrals. Des grandes cathédrales. They are looking for missionaries. Ils cherchent des missionnaires. Romans chapter 8. Romains chapitre 8. The Bible says in verse 9, la Bible dit au verset 9. That if thou shalt confess with your mouth, si vous confessez de votre bouche the Lord Jesus, le Seigneur Jésus. And thou shalt believe in your heart, si vous croyez de votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, thou shalt be saved. Vous serez sauvés. Verse 10, for verset 10. With the heart, car sans croire du cœur, unto righteousness, qu'on parvient à la justice, and with the mouth, et c'est confession en confessant de la bouche unto salvation, qu'on parvient au salut. Verse 11, verset 11. For it is written, car il est écrit, whosoever believeth on him, quiconque croit en lui shall not be ashamed. Verse 12, n'aura honte. Verset 12. For there is no difference between the Jew and the Greek. Car il n'y a point de différence entre for le Juif et le Grec. For the same Lord is Lord over unto all them that call upon him. Car le même Seigneur est le même verse pour tous ceux qui l'appellent. So how shall they call upon him? Comment entendront-ils? He said, for whosoever shall call upon the name, whosoever, quiconque, shall call upon the name of the Lord, appellera en son nom, shall be saved, sera sauvé. Verse 14, how then? Comment? How then? Comment? Shall they call? L'appelleront-ils? In Libreville, how à Libreville, shall they call? Comment l'appelleront-ils? On him who they have not believed. En qui ils n'ont pas cru? How? Comment? Your uncle who is doing Allahu Akbar. Ton nom qui fait Allah Akbar. How is he going to call? Comment est-ce qu'il va l'appeler? After Ramadan. Après le Ramadan. Baraka di Salah. Baraka di Salah. How? Comment? How? Comment? Can they call? Comment l'appelleront? On him who they have not believed. En qui ils n'ont pas cru. If you cannot believe in him, you can't call him for salvation. Si vous n'avez pas cru en lui, vous ne pouvez pas l'appeler pour le salut. The reason why I don't call a politician for salvation is because me, I don't believe in them. La raison pour laquelle je n'appelle pas les politiciens pour le salut, c'est parce que je ne crois pas en eux. To me, they are all liars. Pour moi, ils sont tous des menteurs. There is none righteous, no, not one. Il n'y a pas un seul juste, pas un seul. And how shall they believe? Et comment croiront-ils? On him whom they have not heard. S'ils n'ont pas entendu. And how shall they hear? Et comment entendront-ils? Unless there's a preacher. Si personne ne prêche. And how shall they preach? Et comment prêcheront-ils? Unless they be sent. S'ils ne sont pas envoyés. For it is written. Car il est écrit. How beautiful. Qu'il on est the beau. Mountain sides. Les pieds. At the feet. Les pieds. Of them. De ceux. That preach the gospel of peace. Qui annonce la nouvelle de l'évangile. And bring glad tidings of good things. Qui annonce la bonne nouvelle de l'évangile. Like these verses because it doesn't promise you anything material. Vous n'aimez pas ces versets parce que ça ne vous promet rien de matériel. But when we get to heaven, they'll do foot inspection. Mais quand on va arriver au ciel, ils vont inspecter les pieds. Operation, present your leg. Ou bien opération, présente tes pieds. Let us look at your feet. Regardons vos pieds. If you have beautiful feet, si tu as des jolis pieds, you live in this area. Vous allez vivre dans cet endroit. If you have ugly feet, si tu as des vilains pieds, go to Zongo. Vous irez à Zongo. Check your neighbor's feet. Check. Regardez les pieds de votre voisin. Check your neighbor's feet now. Regardez les pieds de votre voisin. Missions. La mission. Missionaries. Les missionnaires. When you see Bishop Dag on the crusade platform. Lorsque vous voyez le Bishop Dag sur la plateforme de la croisade avec la sœur Simone prêchant. Going to places, traveling. Allant dans les endroits, voyageant. Traveling to go and tell the last person to be saved. Voyageant, demandant à la dernière personne, aux personnes perdues d'être sauvées. You sit down, you look at healing Jesus, and even to contribute. Même pour contribuer. 100 cedis or 100 Ghana. 200 Ghana. So I don't have money. Vous dites. My landlord is collecting rent. Vous dites, oh, j'ai pas d'argent, mon landlord prend le loyer. You see, you are out of touch with the mission of the Holy Spirit. Tu es déconnecté de la mission du Saint-Esprit. And the last thing for tonight. Et la dernière chose pour aujourd'hui. I think I've talked too much. Et je crois que j'ai trop parlé. Sister Simone is angry with me. La sœur Simone est en colère contre moi. But you see, isn't it amazing that this rich man, who when he was on earth, do you know why he went to hell? Vous savez pourquoi cet homme riche est allé en enfer? He didn't go to hell because he was rich. Il n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. No, nobody goes to hell because of riches. Personne ne va en enfer parce qu'il est riche. We misapply this verse that Jesus said it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man. We misapply it. On interprète mal le verset de Jésus qui dit il est plus difficile pour un riche de passer because par le trou d'une aiguille. Because if you read your Bible carefully, everybody who walked with God was filthy rich. Parce que si vous lisez votre Abraham, Bible, Isaac, Jacob, Joseph, all these guys were toutes les personnes qui ont marché avec le Seigneur étaient très riches. And they are there. Et ils sont là-bas. At least we know Abraham is there because he's in this chapter. Nous savons que Abraham est là parce qu'il est dans ce so chapitre. It is possible to be rich and be in heaven. C'est possible d'être riche et d'aller au ciel. The reason why he went to hell and Lazarus went to hell. Lazarus didn't go to heaven because he was poor. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. The man went to hell because he didn't care for Lazarus. L'homme n'est pas allé au ciel parce qu'il n'a pas pris soin de Lazare. The Bible says that. La Bible dit. There was a certain rich man clothed in purple and fine linen who fared sumptuously every day. And there was a certain beggar, look at where the beggar was, laid at the gate. Lazare était à la porte, of à la rich table. Man. A gate is where you go in and out. All of us will go out of Kodesh gate and come back. La so, porte c'est pas là où nous passons. So the man had the means to verse 19 told us he had the means to feed everybody. L'homme avait au verset 19 on nous dit que l'homme avait les moyens but de nourrir tout le monde. But he kept on passing and didn't care about that. Mais il passait et il ne s'est pas occupé de Lazare. Don't think about food, think about souls. Ne pensez pas de la nourriture, pensez des âmes. How many people do you walk by and don't care? Combien de personnes vous passez par, mais vous ne prenez pas soin? A certain Indomie seller at your junction. Celui qui vend l'Indomie au carrefour. You are her friend, but you've never told her about Christ. C'est ton ami, mais tu ne l'as jamais parlé de Jésus. You are like the rich man. Tu es comme l'homme riche. Straight going to hell from, tout droit allant en enfer. Check this out. And the rich man was a Christian. Et l'homme riche était chrétien. He was from church. Il était de l'église. Because when he saw Abraham, he called him Father Abraham. Parce que lorsqu'il a vu Abraham, il a dit Père Abraham. C'était pas un incroyant. Listen, let's close. Terminons, clôturons. The last thing that is in hell. La dernière chose qui est en enfer. I've preached for too long. J'ai prêché pendant longtemps. Sister Simone, I'm sorry. La sœur Simone, je suis désolé. I won't do it again. Je vous en prie, je ne vais plus recommencer. À partir de demain, je ne viendrai plus. The last thing that is in hell. That we need in the church. La dernière chose qui est en enfer dont nous avons besoin à l'église. It's in verse 28. C'est au verset 28. For I have five brethren. Car j'ai cinq frères. Concerned. Être concerné. Concerned. Être concerné. Concerned about your brothers. Être concerné de vos frères. The man was concerned. L'homme était concerné. I have five brethren that he may testify unto them lest they also come into this place of torment. J'ai cinq frères qui leur disent que ces choses sont vraies afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Ladies and gentlemen, we need concern in the church. Nous avons besoin d'être concernés dans l'église. You said there is no hell. Vous dites qu'il n'y a pas d'enfer. I challenge you to put your ear to the ground. Eh? Je vous défie de mettre votre oreille au sol. Listen. Écoutons. Listen. Écoutons. You will hear. Et vous allez entendre. You will hear them screaming. Vous allez les entendre crier. You will hear them beckoning to you. Vous allez les entendre vous appeler. To go and tell their brothers. Afin de dire à leurs frères. Tell them. De leur dire. Tell them. Dis-leur. Tell them. Dis-leur. Please tell them. S'il vous plaît, dites-leur. Please, I beg you, tell them. Je vous en prie, dites-leur. Tell them they shouldn't come here. Dites-leur qu'ils ne viennent pas ici. Send a WhatsApp message to tell them not to come. Envoie leur un message WhatsApp pour leur dire de ne pas venir ici. Travel to your hometown to tell them not to come. Voyagez dans votre pays et dites-leur de ne pas please, venir. Please, la belle église, put your ear on the ground. S'il vous plaît, la belle église, mettez votre oreille au sol. If this is too low, put your ear to the Bible. Ça c'est trop bas, mettez votre oreille dans la Bible. And hear their voices from the scripture. Et écoutez leur voix des Écritures. Calling you. Vous appelant. To go and tell them. D'aller leur dire. Bishop has written a book about that. Bishop a écrit un livre à propos de cela. 120 reasons. 120 raisons. 100. The man is trying to give you reasons why you must be concerned. L'homme essaie de vous donner des raisons pour lesquelles vous êtes concerné. 120 reasons why you must be a soul winner. 120 raisons pour lesquelles vous devez être un gagneur d'âme. You look at the book, say, I don't have money to buy it. Vous regardez le livre, vous dites, j'ai pas d'argent pour payer. What kind of book is black book like this? Quel genre de livre qui est noir comme ça? I'm afraid of a black book. J'ai peur d'un livre noir. There are no pictures in the book. Il n'y a pas d'image dans le livre. 120 reasons. 120 raisons. Guys, la belle église, what more should be done for us that has not been done? La belle église, quoi de plus doit être fait pour nous qui n'a pas été fait? Can't you see the effort our father has put in to make us fruitful children? N'avez-vous pas vu les efforts que notre père a fait pour être des enfants fructueux? These are the most anointed books. Ce sont les livres les plus oints. They are conjuring you, is it the right word? Cajoling. Kicking you, qui te pousse, you, tickling you, go. What qui te are you pousse, doing va, va, qu'est-ce que tu fais ici? What are you doing? Why are you so happy? Pourquoi tu es si heureux? What's wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Why don't you care? Pourquoi tu ne t'occupes pas? Why don't you care about the lost? What's wrong with you? Pourquoi tu ne t'occupes pas de ceux qui sont perdus? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Honestly, what is wrong with you? Why is your hairstyle and your small degree, that certificate that they'll give you, which is not even from a recognized school? Why is that thing so important to you? Honnêtement, pourquoi? There are people dying. They are going to hell as we talk. They are going. You don't care. Actuellement, les gens meurent et vont en enfer et vous ne prenez pas soin. Okay. Vous ne prenez pas soin. Okay. Don't clap. I'm not asking you to clap. You don't care. Vous ne vous occupez pas. Let us care about the lost. Let's care about our brothers and our sisters. Let's care. Beg you, let's care. Let's care. We don't have time to play games with God anymore. Prenons soin de nos frères, de nos sœurs. Prenons soin. Stop making t-shirts and dancing and taking pictures, selfies. It's not necessary. Arrêtez de faire des t-shirts, des selfies. C'est pas nécessaire. We need concern. Nous avons besoin d'être concernés. Nous devons être concernés. Otherwise, we are doomed, I tell you. Autrement, nous sommes foutus. Je vous dis. The greatest doom that will happen to us is what happened to Jesus on the cross. He said, Father, why have you forsaken me? Le plus grand désespoir qui est arrivé à Jésus sur la croix, c'est lorsqu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? When the Holy Spirit leaves, Jesus, look, Jesus, it wasn't the beating that killed him. Ce ne sont pas les frappes qui ont tué Jésus. When he was in the garden praying, Lord, let this cup pass from me. It wasn't the cup of soldiers slapping. That wasn't the problem. Lorsqu'il priait, il disait, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Ce n'était pas les gifles des soldats. His concern was that the Holy Spirit, because of the sin he was about to carry, the Holy Spirit would leave him. À cause du fait qu'il devait porter le péché, le Saint-Esprit allait le quitter. That is why when he was on the cross, he said, Why have you forsaken me? C'est la raison pour laquelle sur la croix il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? What have I done wrong? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? And many of us, we are at that point where I tell you, God has forsaken you. Et beaucoup d'entre nous sommes à ce point, je vous dis, où Dieu vous a abandonné. But tonight he's calling you. Mais ce soir, il vous rappelle. He's a God of second chances. C'est le Dieu de la seconde chance. La troisième chance. 17 chances. La 17e chance. 365 chances. 365 chances. Dieu vous appelle. He's calling you back. Il vous rappelle. Back to the cross. Il vous rappelle à la croix. Back to the union of the Holy Spirit. Il vous rappelle à l'union du Saint-Esprit. Tonight, ce soir, as I close, alors que je clôture, you are here, si tu es là, and you know that you are not in tune with God. Tu sais que tu n'es pas en communion avec Dieu. You know that if you were to die today, you don't know whether you go to heaven or hell. Tu sais que si tu mourrais aujourd'hui, tu ne sais même pas si tu iras au ciel ou en enfer. But today you want to repent. Et ce soir, tu veux te repentir. And turn around. Et te détourner. And come back to God. Et revenir à Dieu. Maybe you are already a Christian. You've been in church, but you know the life you are living is not the type of life that befits somebody who has the Holy Spirit. Peut-être que tu es à l'église, mais tu sais que le genre de vie que tu vis n'est pas la vie d'un chrétien. Pastor, please pray for me. Je voulais dire, pasteur, prie pour moi. I want to give my life again to God. Je veux redonner ma vie à Dieu. I need Jesus to forgive me once more. J'ai besoin que Jésus me pardonne une fois de plus. I'm going to try this once again. Je vais encore essayer cela une fois. If you are here like that, si tu es ici comme ça, everybody stand up, please. Que tout le monde se lève, s'il vous plaît. I beg you, please. Je vous en supplie, levez-vous. Levez-vous, right? Levez-vous. Yes. Good. Everybody, at the back, outside. Dehors, derrière, que tout le monde se lève. Everybody close your eyes. Que tout le monde ferme ses yeux. Just for a few minutes, no movement. Juste quelques minutes, pas de mouvement. I beg you, today we are coming back. The Holy Spirit is here. Ce soir, nous revenons. Le Saint-Esprit est là. If you are here tonight, si tu es ici ce soir, you've heard what I preached. Tu as entendu ce que j'ai prêché. I've actually preached two sermons. Et j'ai prêcher deux sermons. But you want to repent and come back to God. Mais tu veux te repentir et revenir à Dieu. You want to come back to Jesus Christ. Tu veux revenir à Jésus-Christ. Maybe somebody invited you. Peut-être quelqu'un vous a invité. But tonight you realize why you came here. Mais ce soir vous avez réalisé pourquoi vous êtes venu. To get things right with God. Afin de ramener les choses à l'ordre avec Dieu. If you are here like that, si tu es ici comme ça, every head bowed, que toutes les têtes soient baissées, closed, tous les yeux soient fermés, you want me to pray for you tonight, vous voulez que je prie pour vous ce soir, stand where you are, lève-toi où tu es and lift up only your right hand, et lève seulement ta main droite and I'll pray for you. Et je vais prier pour vous. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Lift it up high. Levez votre main très haut. Don't think about anybody. Ne pensez à personne. Don't think about what people will think about. No. Ne pense pas ce que les gens vont penser de It's toi. Non. You and God. C'est entre toi et Dieu. Today you must get things right with God. Ce soir, tu dois ramener les choses. Lift up your hand. Lève ta main. God bless you. Que Dieu vous bénisse. There's somebody here. Il y a quelqu'un ici. You are wondering, should I lift my hand? Should I not? Tu te demandes, est-ce que je dois lever ma main ou pas? Lift up your hand now. Lève ta main maintenant. You are the reason why I came. Tu es la raison pour laquelle je suis venu. God bless you. I see your que hand. Que Dieu vous bénisse. I see another je hand vois ta coming main. Up. Que Dieu te bénisse. Young lady, I see your hand. Young man, jeune dame, your je vois ta main. Jeune homme, je vois All ta main. All of you who have lifted up your hands. Tous ceux qui ont levé vos mains. Tonight is your night. Ce soir, c'est votre nuit. I want you with your hand lifted up. Je veux avec vos mains levées. Pick up your handbag. Venez avec vos sacs. Pick up your mobile phone. Venez avec vos téléphones. And come to me in front here. Venez devant. Come right now. Come venez now vers moi to devant. The front right now. Venez maintenant. Come to the front. Venez devant. From outside. De from the back. De derrière. From all over. De partout. Come. Venez. Please come. Venez s'il vous plaît. Please come. Venez s'il vous plaît. Come now. Venez maintenant. Come to Jesus. Venez à Jésus. Come to the cross. Venez à la croix. God loves you. Dieu vous aime. God will forgive you. Dieu vous pardonnera. He will wash your sins il away. Lavera vos péchés. He said even though your sin be red like crimson. Il a dit même si vos péchés soient noirs comme le travail, white snow. Je vais le rendre blanc comme come neige. Come to the venez side. Devant, venez devant. Come to the side. Venez dans les côtés, venez More dans les côtés. Are coming. Beaucoup de gens come. Viennent. Come. Venez dans les côtés, venez come. Devant, venez. Come, God bless you my sister. Que Dieu vous bénisse ma sœur. God bless you my sister. Que Dieu vous bénisse ma sœur. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Come from the back. Venez du derrière. Come. Venez. Oh, the Father loves you. Le Père vous aime. He sent me to tell you he loves you. Il m'a envoyé de vous dire qu'il vous aime. Many of you are crying. Beaucoup d'entre vous, vous pleurez. Yes, tears must be in the church again. Les larmes doivent revenir dans we, l'église. We need tears in the church nous avons again. Besoin des larmes dans l'église. We need true repentance again. Nous avons besoin d'une vraie repentance. And turn around once more. Et se détourner une fois de plus. Listen. Écoutez, there are at least il y a au moins 20 people in the congregation. 20 personnes dans la congrégation. Hear me well. Écoutez-moi bien. I don't advertise myself as a prophet. Je ne m'annonce pas comme un prophète. But I hear things. Mais j'écoute des choses. There are 20 of you. Il y a 20 d'entre vous in the congregation. Dans la congrégation. You've decided not to come. Vous avez décidé de ne pas venir. But you know you must be here. Mais vous savez que vous devez Your être heart là. Is beating. Votre cœur bat. Even today, même aujourd'hui, somebody talked to you about this, quelqu'un vous a parlé de ça. And you said no way. Vous avez dit non. God is giving you a chance. Dieu te donne une chance. I'm going to ask the 20 of you to come now. Je vais demander les 20 d'entre vous de venir come, maintenant. Young man, come. Venez maintenant. Come, I'll count. Venez. Je vais compter. Come. Venez. Come forward. Venez devant. Come. Venez. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Quickly. Rapidement. Come. Venez. From the back, I can count you. One. Je peux compter. Un. Two. Deux. Three. Trois. Four. Quatre. 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 Let's pray. Prions. Let's pray. Prions. Tonight. Ce soir. Tonight we are like prodigal sons. Nous sommes comme des enfants prodiges, de retour auprès de notre Père. I want us to say this prayer. J'aimerais qu'on dise cette prière. From the bottom of our hearts. Du fond de notre cœur. Those in front, please lift up your ceux qui hands. Sont devant, s'il vous plaît, levez vos mains. I beg you, please je vous lift en up prie, your hands. Levez vos mains. Congregation, join us. La congrégation, joignez-nous. Say Heavenly Father. Dites Père céleste. Say Heavenly Father. Père céleste. Let me pray in English when you finish, then we do in French. Okay, everybody say Heavenly Father. Tonight, I come to you just as I am. I believe that Jesus Christ is the Son of God. I believe that Jesus Christ died on the cross, shed his blood to pay for my sins. I also believe that Jesus Christ rose from the dead to give me life. And so tonight, I receive Jesus Christ. I accept Jesus Christ as my Lord and my personal Savior. Father, please write my name in the book of life. Please wash me in your precious blood. Please make me your child. From tonight, I will follow you. I will serve you. Fill me with the Holy Spirit so that I can walk with you for the rest of my life. Thank you, Father, for saving me. Thank you, Jesus, for dying for me. Thank you, Holy Spirit, for arresting me. From today, I am yours and you are mine in the name of Jesus. Now let's pray in French. Père Céleste, ce soir je viens à toi tel que je suis. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Pardonne-moi ce soir. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je t'appartiens, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, LCI La Belle Église, pour plus de messages. Soyez bénis.